علم أخير. إذا بلغنا هذا الدين على كتاب الله وسنة رسول الله ورجعنا إلى أقوال العلماء دائما اطلب العلم أخير فهذا شيء مطلوب إن شاء الله. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرم فخور. Mes compagnons comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, comme Ali ont divergé et ne se sont pas divisés. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور اطلب العلم أخي فهو Voilà ici la voix du prophète alayhi salatu wa salam. Être une sunna ambulante, pas une innovation ambulante. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wa salatu wa salam ala المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله نهى عن الفحشاء والمنكر وبالعدل والإحسان أمر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحول الله عز وجل continue avec ce séminaire qui tourne autour du charh de Al-Ibana ala usul al-sunnati wa al-diyana al-mashhur bismi Al-Ibana Sughra al-Sughra l'Ibn Battah rahimahullah ta'ala et il a pour titre comme je l'ai dit al-minhaj al-sahih donc le minhaj la voie la méthodologie authentique le but de ne pas se perdre à travers notre chemin qui insha'Allah ta'ala nous mènera vers al-jannah Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Et bien, Ibn Allah Azza wa Jal, on va continuer avec l'explication des paroles ici d'Allah Jalla wa Ala, du prophète alayhi salatu wa salam, de salaf, de sahaba radiyallahu anhu wa ardahum, qui ont été réunis dans ce livre par le sheikh al-imam Ibn Battah rahimahullahu rahmatan wasi'a. Et on était arrivé à la parole d'Ibn Battah rahimahullahu ta'ala, et je continue. فَأَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِذِكْرِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ لُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْفُرْقَةِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ثُمَّ تَهَدَّدَ بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال رب العزة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته فقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وقال جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Ici le cheikh il rappelle l'importance de l'union al-jama'a et pour cela ici il rappelle et il cite certains versets coraniques كقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, وَلَا تَفَرَّقُوا. Et il rappelle le verset coranique où Allah jalla wa ala dit, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et il rappelle aussi le verset coranique où Allah jalla wa ala a dit avec une traduction dans le sens, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, ceux qui se sont disputés, min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat, après que les preuves, la preuve claire évidente leur soit parvenue. Wa ulaika lahum 'adhabun 'azim. Ceux-là auront un châtiment douloureux, comme qu'a dit subhanahu wa ta'ala. C'est une mise en garde claire à ceux qui se divisent et qui aiment la dispute après que les preuves claires. Donc on parle de quoi? Al-bayyinat, on parle de preuves claires, évidentes. Donc loin de quoi? Ash-shubuhat, les ambiguïtés, les choses qui prêtent à confusion, comme Ahlul Bida, c'est ce qu'ils aiment. Ashabul Ara, dont on va en parler dans les détails, comme je vous avais dit hier, Inch'Allah Ta'ala. Ashabul Ahwa, c'est-à-dire quand ils voient un verset clair sur Al-Asma wa Sifat, eux, ils le renvoient aux choses qui sont toujours ambiguës. Quand ils voient des hadiths qui sont ambiguës, c'est-à-dire dans le sens qui prête à plusieurs interprétations, à plusieurs sens, au lieu de les renvoyer à ce qui est clair pour que la compréhension soit saine, non, eux, ils restent avec ces hadiths ou ces versets qui peuvent être interprétés de différentes façons, qui peuvent avoir différents sens, et ils s'arrêtent là pour après suivre le sens que eux ils désirent. Et Allah, il met en garde ceux-là et ashabul bid'ah, et les gens qui, quand les preuves claires et évidentes leur sont venues, non, ils préfèrent persister dans leur égarement. Et il dit cela, ils auront un châtiment douloureux. Et ceux qui s'accrochent ici au câble d'Allah Jalla wa Ala, ce sont bien sûr avant tout as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Et Allah Jalla wa Ala nous rappelle ici de s'accrocher au Coran et à la Sunna et de suivre as-sahaba, la voie des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, et qui as-salaf. Donc ici on parle de qui? Les successeurs. Et de ne pas vous diviser sur ce point-là. Quel point? Ici le fait de suivre al-kitab wa sunna bi fahmi salaf al-umma. Allah il nous met en garde sur cette chose-là. Et il parle de la division. Et la division ici qui est visée, c'est la division sur la voie du groupe al-jama'a. Wa kama qala alayhi salatu wa salam fi sahih, al-jama'atu rahma wa al-furqatu adhab. Le fait de s'unir avec le groupe. Le groupe, c'est une source de miséricorde. Et al-furqatu adhab. La division, c'est une chose qui a toujours été blâmée. Le fait de se disputer, ça a toujours été une chose qui a été blâmée de la part d'Allah Jalla wa Ala et de son messager alayhi afdalus salati wa taslim. Et ça ne veut pas dire que quelquefois on doit s'éloigner, se séparer de ashabul bid'ah. Bien au contraire, c'est ce qu'on va le voir bi-idhnillah, mais il faut bien comprendre cela comme il se doit. Qui sont ashabul bid'ah? Qu'est-ce que c'est que al-bid'ah? Comment on doit s'éloigner d'eux? Pendant combien de temps? Est-ce qu'il y a une manière? Quel comportement? Il a akhiré. C'est ça le but principal bi-idhnillah azza wa jal de cette intervention, parmi les buts principaux de cette intervention, incha'Allah ta'ala, et de cette dawra ilmiya, de ce séminaire, incha'Allah ta'ala. Donc ici, l'importance du groupe al-jama'a, car le groupe qui est uni sur al-haq, c'est-à-dire al-haq, al-kitab wa sunna bifahmi salaf al-umma. Ce groupe-là, c'est une source de miséricorde. Se diviser, se séparer, s'éloigner de ce groupe-là, c'est une source de châtiment, comme a qala alayhi salatu wassalam. Et le groupe al-jama'a, ce sont qui? C'est à leur tête Muhammad alayhi salatu wassalam. As-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. At-tabi'in. At-ba' at-tabi'in. Et man tabi'ahum bi-ihsan ila yawmiddin. C'est eux le groupe. C'est les compagnons. À leur tête le prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont les salafs. Ce sont les plus prédécesseurs. Et à leur tête Muhammad alayhi salatu wassalam. Comme le prophète a rappelé cela à Fatima radiyallahu anhu wa ardaha. Radiyallahu anha wa ardaha. Quand il lui a dit, quel bon salaf je suis pour toi, ô Fatima. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur des salaf. Et donc il y a le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il y a as-sahaba, les compagnons. Et il y a ensuite les deux générations qui ont suivi cette génération. Donc les trois générations. Et le groupe, c'est qui aussi? C'est tous ceux qui les suivent dans le bien, dans leur voie, jusque la fin des temps. Ça veut dire que toute personne qui les suit, ils sont al-jama'a. Ce sont le groupe. Et ici, il rappelle le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Et avant cela, il rappelle le verset où Allah Jalla wa Ala, il dit: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القي. Ici, Allah Azza wa Jalla rappelle c'est quoi la vraie religion, la religion de droiture, la vraie voie qu'on doit suivre, c'est la voie de tawhid. Il dit, cependant, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah Jalla wa Ala en lui vouant un culte exclusif. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, voilà le chemin que vous devez suivre. Le chemin de ceux qui ont emprunté, ici, la voie du tawhid, l'unicité. C'est-à-dire, ils se sont éloignés de tout type de shirk, d'association. Et qu'ils se sont éloignés de tout type de mécréance. Et ici, c'est un message à Ahlul Bidah, qui certains d'entre eux, et ça c'est une preuve encore qu'on parle de qui? On parle de celui qui a divergé sur un sujet de jurisprudence. Là, particulièrement, ça vise Ahlul Bid'ah, qui sont tombés à الذين وقعوا في البدعة في بدعة مكفرة, dans l'innovation qui sort de l'islam. Et on va parler des différents types d'innovation, incha'Allah ta'ala. On parle de Al-Bid'a Al-Mukaffira. Ceux-là qui se sont éloignés du tawhid et de la aqid al-sahiha, ceux-là, ils se sont éloignés de la voie qui fait partie du droit chemin de la religion de droiture. Ensuite, Allah Jalla wa Ala, il nous rappelle ici l'importance de serrer les rangs. Ici, quand il dit, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ الصَّفَّةِ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ Allah Jalla wa Ala, il aime ces gens-là qui serrent les rangs et dans toute situation. Même quand on est à la mosquée, est-ce que c'est demandé dans les rangs de serrer les rangs? Bien sûr, pour nous habituer, pour nous éduquer, corps et âme. Corps et âme, à serrer les rangs, à se rapprocher, à s'unir, à ne pas se désunir. Ça, c'est une éducation spirituelle. C'est une éducation qu'Allah Jalla wa Ala nous donne, et c'est la preuve que al-masajid, c'est une madrasa. Spirituelle, physique, mentale, morale, tout ce que tu veux. La mosquée, c'est une éducation. Quand tu rentres à la mosquée, tu dois ici avoir un certain comportement, garder le calme. Ici, c'est une sorte de retraite spirituelle que tu fais pendant un certain moment. C'est tu t'unis avec les frères, tu fais tes ablutions, tu apprends à être propre, à être organisé, à respecter ton frère, à te mélanger avec les gens, que tu les aimes ou que tu ne les aimes pas, que ce soit par un amour, ici, en Allah, ou tu les détestes en Allah, ou pour une chose de dunya, ala kulli hal Allah Jalla wa Ala t'éduque et te rappelle l'importance de te mélanger avec les gens, ici, même si tu ne les aimes pas en Allah Jalla wa Ala. Pourquoi? Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit comme fi sahih, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khayru min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit, le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente quant à leurs préjudices, quant à leurs choses mauvaises qu'ils peuvent dégager, il est meilleur que celui khayru min alladhi, là qu'il ne se mélange pas aux gens et qu'il ne patiente pas. C'est une éducation. Ton âme, tu l'éduques. La mosquée, on pourra en parler des heures. Tous les bienfaits que renferme cette école, qui est cette madrasa, qui est la mosquée. Parmi ces choses qu'on retrouve de bonnes et ces grandes morales et ces grands bienfaits qu'on retrouve à la mosquée, ça nous éduque à serrer les rangs. Et Allah, il aime ça. Il aime qu'on serre les rangs. Et ici, pourquoi il a cité ce verset coranique, le mu'allif ici aussi? Car Allah, Jalla wa Ala, il dit, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ. Allah aime. Ça, c'est un rad, une réponse à Al-Mu'tazila, à Al-Jahmiya, à ces sectes égarées qui ont interprété les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il cite ce verset. Inna Allah yuhib. Li'anna Allah jalla wa ala yuhib wa yubghid. Allah jalla wa ala, il aime et il déteste. Al-kayfu majhoul. Comment? Allahu a'lam kama qala liman malik al-kayfu majhoul. Lakin, ithbatu s-sifat. Ici, le fait de reconnaître, d'affirmer les attributs d'Allah Jalla wa Ala, c'est obligatoire. Comment il fait, comment il se... Allahu a'lam. Ce qu'on sait, laysa kamithlihi shay. Il ne ressemble en rien à ces créatures, Allah Jalla wa Ala. Wa huwa as-sami'ul basir. Et Allah Jalla wa Ala nous rappelle ici que Allah, il aime. Et eux, ils disent non, ils n'aiment pas. Quand on dit Allah yuhib, ça veut dire que Allah Jalla... Voilà, vous avez vu là, ashabul ara. Maintenant, qui t'a dit de dire non? Ça veut dire que... Ça veut dire que on a besoin de quoi? Une preuve. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ne soyez pas comme ceux qui sont disputés, divisés après que la preuve évidente leur soit venue. Allah t'a dit, Allah il aime. Si tu dis, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, كَمَا فِي الصَّحِيحِ, que le fait qu'Allah aime, cela veut dire qu'Allah jalla wa ala veut... Si tu nous apportes ça, et que c'est un hadith wadih, muhkam, et une preuve du Coran, khlas, on prend et il n'y a pas de problème. Voilà qu'il n'y a pas. Donc pourquoi tu es rentré et tu as ouvert une porte qui ne t'est pas demandé d'ouvrir? Qui t'a dit de dire? Ça veut dire que on estime et il rentre dans ta'wil qui est interdit. Car je ne parle pas de tous les ta'wil, et ça on en parlera inshallah ta'ala, plus dans l'état dans les cours de Al-Aqida Al-Wasitiya de l'imam Ibn Taymiyyah. Il rentre dans cette interprétation, la falsification, at-tahrif, il est akhiré. Ils aiment jouer avec les attributs d'Allah Jalla wa Ala. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est dinullahi azza wa jal. Ça c'est des choses qui te dépassent. Ce que Allah t'a donné, prends-le. Ce qui ne t'a pas expliqué, délaisse-le. Allah Jalla wa Ala nous a interdit de manger la viande de porc. Wadih. Limadha? Pourquoi? Ibhath an qawlillahi azza wa jal ou an aya allati tufassilu. Limadha? Cherche une preuve du Coran, de la Sunna. des paroles des salafs, qui va t'expliquer, qui va te détailler le pourquoi. Pourquoi Allah il n'y a pas. Sami'na wa ata'na. Pourquoi tu vas chercher à comprendre? Oui, donc nous, il faut qu'on prouve aux non-musulmans et aux musulmans, parce qu'on a envie quelquefois de se justifier, de parler, d'argumenter. Illa ma rahim Allah. Voilà pourquoi Allah il a interdit la viande de porc. Parce que, il n'y a pas de parce que. Vous connaissez, vous, une explication pourquoi? D'un verset clair, ou un hadith clair, dans les détails où il nous a dit, voilà pourquoi, parce que tel type de viande, ou telle partie du porc, elle est nuisible dans ceci ou dans cela. Il n'y a pas. Arrête-toi là. Maintenant, après, si des médecins, des savants, des scientifiques, d'accord, fait umur ad-dunyawiyya, dans les choses concernant ad-dunya mondaine, fa'ataw bidalil wadih, ils viennent avec une preuve claire. Et là, je parle fi umur ad-dunyawiyya, dans les choses de la vie d'ici-bas. Je parle des savants mondains, de la vie, concernant les choses de la vie d'ici-bas, les sciences profanes. Ils viennent avec des preuves qu'il y a une partie du porc qui est nuisible pour le corps. Ça a été prouvé l'akhiré. Ça, tu le donnes. Mais tu fondes pas toute ta certitude, ta conviction, ton obéissance sur ça. Parce que si demain, un autre savant des sciences profanes va venir et dire, bah non, en fait, ça, cette théorie, elle est infondée. Parce qu'on a prouvé que on a prouvé le contraire. Donc là, ah, tu vas commencer à rentrer dans Shubuhat. Ah, bah, t'as vu, alors, donc c'est, mais qui t'a dit ça? C'est des choses à prendre. Mais en plus, en bonus. Et alhamdoulilah, quelquefois, ça raffermit la foi. Ce que tu vois et tu te rends compte des miracles d'Allah, les découvertes scientifiques. Mais nous, on n'a pas besoin de cela. Est-ce que, as-salaf, ceux qui ont craint le plus Allah, est-ce que les compagnons, ceux qui ont craint le plus Allah, ba'da al-anbiya wa al-rusul, ba'da al-habib alayhi salatu wa salam, est-ce qu'ils ont vu tout ce qu'on a vu maintenant au jour d'aujourd'hui, billahi alaykoum? Est-ce qu'ils ont vu tout ce que renferme comme trésor la mer? Est-ce qu'ils ont vu toutes les choses qui ont été apportées par les scientifiques, est-ce qu'ils ont pu rentrer dans toutes ces sciences? Est-ce qu'ils ont pu voir tout ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, toutes les merveilles concernant la création d'Allah azawajal qu'on voit au jour d'aujourd'hui? Abadan. Et avec cela, ils ont craint plus Allah Jalla wa'ala que nous. Pourquoi? Ils n'ont pas fondé leur conviction et leur soumission envers Allah Azza wa Jal et leur aqida sur des choses scientifiques ou sur des... Mais surtout sur quoi? Qala Allah wa qala Rasul. Ils avaient une pleine conviction que tout ce qu'Allah apporte, ce n'est que vérité. Et tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam apporte, ce n'est que vérité. Et ils ont appris à connaître comme il se doit Allah, cela leur a suffi. Ils ont appris à comprendre le Coran comme il se doit, cela leur a suffi largement et amplement. Donc on dit ça, les autres choses, les autres sciences, etc. Les paroles des savants, ça c'est un bonus et c'est demandé. Wadih. Lakin nous on s'arrête à qala Allah wa qala ar-rasul bi fahmi salaf al-umma. Allah il aime. Et il rappelle ça, une réponse à qui? Al-Jahmiya wal-Mu'tazila ila akhiri. Ici c'est secte qui réfute ça. Ils disent non, ça ne veut pas dire ça. Vous entendez, Allah il aime, Allah il aime. Wadih. Et ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ici, kama qala al-ulama, thumma qala jalla wa ala. بعد ذلك قال المؤلف وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطئهم وخطلهم من خطئهم ومن خطلهم قال العلماء الزلل في اللسان et on va en parler. فقال تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ici le مؤلف il nous rappelle l'importance et le devoir de s'écarter et de ne pas s'asseoir et de ne pas prendre comme ami Ahlul Bida' et Ahlul Ma'asi et Alladhina yastahzi'una bi dinillah wa bi kitabillah wa bi aya min ayatillahi azza wa jal ou bi aqwali al-ulama wa ila akhiri. Ici Allah Jalla wa Ala nous a interdit cela. Le fait de s'asseoir, de fréquenter, de cautionner, d'aimer, de se rassembler avec Ahlul Bida'. Qui sont-ils? Attention, on reparle encore de Ahlul Bida'. Et on va rentrer dans les détails, étape par étape. Ici, ce n'est pas celui qui diverge avec toi dans une situation de fiqh, de jurisprudence. Et on reste dans, en général, Al-Bida'a Al-Mukaffira. Ou bien, ceux qui sont rentrés dans certaines bida'as concernant l'interprétation des attributs d'Allah Jalla wa Ala qui ne font pas d'eux tout le temps des mécréants. Wadih? Et il dit, ceux qui persistent dans cela, on n'a pas le droit de s'asseoir avec eux, on n'a pas le droit de les fréquenter, on n'a pas le droit, il a akhiré. Il dit, car ils sont encadrés par le verset coranique. Où Allah Jalla wa Ala dit avec une traduction approximative, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. Il dit, il y a des gens, Allah il parle des gens qui, quand il leur est récité, quand ils entendent un verset coranique, une preuve évidente, soit ils la démentent, ou bien ils la prennent en raillerie. Ahlul bid'ah. يستهزئون بآيات الله. Ils jouent, ils prennent en raillerie. Il y a des gens comme ça. Ils vont parler, ils vont utiliser le Coran pour rire sur le Coran. Et il dit, ça ahlul bid'ah, et ici ceux qui sont sortis de l'islam souvent, quand ils jouent avec des versets coraniques, ou ils entendent des versets coraniques, ils rient, ils prennent en raillerie ces versets coraniques. Allah Jalla wa Ala il dit, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Ne restez pas assis avec eux. Ne participez pas à leur assise, tant qu'ils ne changent pas de conversation. Et il dit, Allah Jalla wa Ala il te rappelle, par contre, si tu ne le fais pas, c'est-à-dire tu restes avec eux, pourtant c'est pas toi qui le fais, c'est pas toi qui ris sur la religion, sur al-ayat min kitabillahi azza wa jalla, il dit, إِنَّكُمْ إِذَنْ مِثْلُهُمْ. Sinon, vous êtes comme eux. Sinon, vous êtes comme eux. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah, il rassemblera les hypocrites et les non-musulmans, les mécréants, ici en enfer. Tous ensemble. Donc, ici, si on prend le sharh de Sheikh Al-Rajhi, hafidhahullah ta'ala, sur ce verset coranique, il rappelle que c'est une mise en garde sur le fait de s'allier, de se réunir, pas qu'avec les gens qui rient sur les versets coraniques, qui prennent en raillerie cette religion. Mais toute personne qui fait ou qui dit dans une assise une chose détestée par Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, tu n'as pas le droit de rester avec lui, si ce n'est pour faire quoi? Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Wa illa, sinon, tu es comme eux. C'est-à-dire, tu es au même degré qu'eux, tu mérites le même châtiment qu'eux. Par exemple, une personne qui va faire al-riba, qui va faire al-namima, qui va dire des mauvaises choses. D'accord, fait dans une jalsa ou alors dans une assise. Anta ya'ni ala kulli hal, tu dis, moi je ne participe pas, moi je fais pas al-riba, moi je fais pas al-namima, moi je vais pas rire sur Allah, je vais pas, il a akhiri. Une autre personne, tu vas le voir, il est dans une table et il boit de l'alcool. Toi tu dis, moi je bois pas de l'alcool, moi je cautionne, je ne veux pas cet alcool-là. Je vais pas dire je ne cautionne pas. Je ne veux pas cet alcool-là, il a akhiri. Eh ben ici, si tu restes avec celui-là qui boit de l'alcool, ou si tu restes avec celui-là qui fait le riba, ou tu restes celui-là avec celui-là qui fait le namima, sans avoir l'intention de le réprimander, bil hikmati wal maw'idati al hasana, comme a dit le cheikh, bil lin wal rifq. Comme le savant contemporain Sheikh Rashi, il a dit avec douceur, avec ici bienveillance, tu n'as pas le droit de rester avec lui, sinon tu fais partie d'eux. Tu mérites le même châtiment que wal iyad billah, tu cautionnes. Et il utilise le hadith rapporté par Muslim très connu où le prophète عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Si quelqu'un d'entre vous voit une chose répréhensible, qu'il arrête, t'es obligé, amr, c'est un ordre. Ou bien quand tu sais que ici إذا لا يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فلا ننكر. Si on ne peut enlever al-munkar que parce qu'il va provoquer une chose encore plus nuisible, et ben à ce moment-là, on n'interdit pas le mal. Mais on le repousse à plus tard. Ça, c'est dans certains cas. Mais sinon, tu dois l'arrêter avec ta main, c'est qui? Ici, c'est al-amir, c'est celui qui détient le pouvoir, ou bien les autorités, ou bien le père envers son fils. C'est pas toi, tu vas voir quelqu'un fumer la cigarette, ah, qala alayhi sallam, ici, celui-là qui voit un munkar, il arrête biyadi. Tu vas, tu lui tires la cigarette. Non. Toi, tu n'es pas placé, et tu n'as pas le rang, et tu n'as pas la position, ici, pour pouvoir arrêtez directement avec la main. Toi, tu passes directement fabilisani avec ta langue. Wabillin wa rifqa. Avec douceur et avec indulgence, gentiment. Tu veux le bien pour lui. C'est pas tu veux le casser, tu veux lui faire mal, tu veux lui rabaisser. Toujours, et soulignez ça mille fois, toujours quand tu te comportes avec une personne, avant, jaddid an-niyya. Renouvelle ton intention. Pourquoi vraiment je le fais? Pour satisfaire mon âme, ou vraiment parce que je lui fais le khair. Billahi alaykoum, quelqu'un qui veut le khair à son frère, qui fait un munkar, qui fait quelque chose de haram, est-ce qu'il va arriver yani bil'unf, avec dureté, avec la haine, ou est-ce qu'il va toujours faire tout pour utiliser des pincettes, pour parler avec douceur, pour essayer de le convaincre? T'es là pour essayer de le convaincre. Donc avec douceur. Mais quand tu vois quelqu'un qui vient, qui s'acharne, sache que lui, cette personne-là, فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ, il ne veut même pas vraiment le bien pour cette personne. On n'est même pas dans le comment, on est juste dans l'intention. Vous imaginez, alors qu'on doit avoir une bonne intention et on doit faire une action conforme. Mais là, on est juste simplement dans l'intention. Donc tu dois toujours venir avec l'île et avec le rif. Si cette personne-là, tu restes avec lui et tu ne lui dis pas « Ya akhi, ittaqi Allah, bihudu, birrifq, wallil » فَإِذَنْ, à ce moment-là, sache que tu es comme lui, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et il utilise ce verset coranique pour dire « On ne peut pas cautionner les gens de mal. » Ça veut dire que quand tu es avec une personne, si tu ne le fais pas, sache que tu le cautionnes. Et quand tu cautionnes une personne, eh ben tu es au même degré que lui. Comme une personne qui va côtoyer une autre personne, qui sait qu'il a du mal en lui, il sait qu'il a des maladies graves, il sait qu'il fait du mal, et il dit « C'est pas mes affaires. » Il a le droit ou pas? T'as le droit de cautionner une personne qui fait du mal et dire « C'est pas mes affaires, moi avec moi il est gentil. » Kadhab. Ça c'est un type d'hypocrisie. Ça ici c'est une maladie. Ça c'est un manque de sincérité envers toi, envers ton frère et envers Allah. Ajib. Comment ça? Ça c'est un type d'égoïsme. Si toi tu sais qu'il fait du mal à une personne et tu le côtoies et tu ne lui l'exhortes pas, à ce moment-là, tu le cautionnes, t'es comme lui. Même si tu dis pas les mêmes choses et tu n'agis pas comme lui. Alors que si tu côtoies cette personne pour le réformer, là à ce moment-là, walillahilham, tu as le droit de le côtoyer jour et nuit si tu veux, à partir du moment où tu as le niveau de le réformer et il ne te nuit pas, il t'influence pas vers son mal. À ce moment-là, il n'y a pas de mal. Côtoie même celui qui boit de l'alcool. Va même rentrer dans un bar. Va même où tu veux, rentre dans l'endroit où les gens de Ashab al-Fitan, ils sont Ashab al-Ma'as. Mais toi, ton intention, c'est quoi? Al-amru bil-ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Khalas, il n'y a pas de problème. Là, va, mais si c'est pour dire, moi, je rentre pas dans ça. Ben, dans ces cas-là, tu es hypocrite envers toi-même, envers lui. Je parle pas de la grande hypocrisie. C'est un type d'hypocrisie. Et ça, ici, tu peux être encadré par le hadith du prophète, alayhi salam, inna min sharri nasi dal wajhain. Les pires des gens, ce sont les gens au double visage, wal-iyadu billah. Parce que tu as une double personnalité, tu n'es pas convaincu, tu n'es pas sincère. Soit tu le côtoies et tu lui interdis le mal parce que tu sais qu'il a un mal, soit tu le côtoies et tu dis, non, ça c'est pas grave, et bah, à ce moment-là, tu es comme lui. Et c'est là où on arrive à al-wala ou al-bara. C'est là où on commence à arriver à al-hub ou al-bourd fillahi azza wa jal. On n'a pas le droit de suivre nos passions dans ces questions-là en disant, celui-là j'aime bien, celui-là j'aime. Nous, on doit se conformer à qu'est-ce qu'a dit Allah et qu'est-ce qu'a dit son prophète alayhi salatu wassalam. Celui-là, Allah m'a dit, le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit, je dois l'aimer plus que l'autre, alors qu'avec l'autre, je m'entends mieux. Et khlas, ça, c'est mon âme, instigatrice au mal qui me pousse à cela. Et on va parler de l'hawa dans les détails. Et non, je soumets mon âme à l'haq. Et je vais avec ahlul haq, car ahlul haq, ici, détient l'haq. Et Allah a dit, wa kul ja al-haq, wa zahaq al-batil, inna al-batil kana zahuqa. Car Allah a dit, et dit, la vérité est venue, le faux s'en est allé, le faux est voué à quoi? À disparaître, que tu le veuilles ou non. Et tu verras toujours qu'Allah y met al-baraka chez ahli al-haq. Et il va mettre al-qaboul, l'acceptation. Les gens vont aimer, apprécier, et les gens de bien, ahlul haq. Bien qu'il y aura toujours des ennemis, des gens perturbateurs, des gens qui vont essayer de les ramener, mais Allah il va mettre une baraka où tu verras que ils vont avancer concrètement. Ils auront un impact bénéfique. C'est quoi bénéfique? C'est-à-dire que va découler de leur travail, pas des gens qui sont bizarres ou qui avancent d'une mauvaise façon, mais tu verras des gens qui vont les écouter, qui auront changé du mal vers le bien et du bien vers le meilleur. Ça, il y a eu at-tawfiq min Allah jalla wa ala. Amma al-batil, ça se voit un jour ou un autre. Tu vois les résultats, les fruits amers. Et ça, c'est une chose claire. Et seul ne le voit pas l'aveugle. Pas du regard, mais l'aveugle du cœur. Donc il nous rappelle, attention. Ceux qui s'opposent à la aqidah sahiha ne restent pas avec eux. Si tu restes avec eux, khlas, arrête le munkar avec douceur et sagesse. Sinon, si tu dis, je suis pas capable, le prophète alayhi salam l'a dit, si, فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ, avec le cœur, et cela est le degré le plus bas de la foi, c'est-à-dire avec le cœur, tu n'apprécies pas ce qu'ils font et tu te détournes d'eux. Ça, c'est le degré le plus bas. Alors imaginez-vous la personne qui va dire, non, j'accepte pas, mais je reste avec lui. Ajib. Ça veut dire que tu es malade du cœur. Tu n'as pas soumis ton âme à l'haq. C'est pas facile. Lakin, c'est comme ça. Souvent, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Ce qu'on appelle al-hub fillah wal-bourd fillah azza wa jal. Quelquefois, c'est des gens que tu vas apprécier quelquefois, ça va être un amour et un sentiment humain. Mais tu ne peux pas, parce que là, on parle de al-munkar, des choses mauvaises qui dégagent, détestées par Allah et son messager. Ça, tu ne peux pas. Allah déteste, toi, tu vas aimer. Non, je n'aime pas, je fais pas comme lui. Tu restes avec lui, le cheikh, il dit, tu le cautionnes, tu mérites le même châtiment que lui. Pourquoi? Parce qu'avec ta présence, à ses côtés, est-ce que quelque part tu appelles les gens à cautionner cette personne-là? C'est comme si tu disais, c'est une personne fiqa, de confiance. C'est pour ça que toujours, al-ulama, vous allez voir, ils disent, attention toujours dans vos comportements. Même si la chose en elle-même, elle n'est pas haram, lakin ça peut influencer les gens vers quelque chose de mauvais, ça peut cautionner une chose haram. À titre d'exemple, ce qui me vient à la tête, juste pour que vous compreniez un peu le ma'na. Est-ce que les savants, est-ce que c'est autorisé d'avoir par exemple une montre dorée? Des lunettes dorées? C'est autorisé ou pas? C'est autorisé. Est-ce que c'est autorisé d'avoir une montre en or? Je parle, rentre pas dans la divergence, ici je parle de la plupart de la montre, elle est en or. C'est interdit, d'accord? Alors, al-dhahab, ici, c'est pour les femmes. Wadih. Ici, quelqu'un qui a une certaine influence, qui a un certain degré de iman, entre guillemets, en tout cas, qui montre de façon apparente son appartenance à la sunnah. Est-ce que l'ulama, il lui conseille, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, de mettre une montre toute dorée? Pourquoi? Les gens, ils pourraient croire. Pourtant, c'est pas haram en soi-même. Mais regarde, ils disent parce que tout ce que tu vas faire, ça va cautionner la chose qui est en elle-même. Elle n'est pas haram, mais ça peut prêter à confusion, ça peut, parce que t'as une certaine, ici, image à donner à partir du moment où tu représentes la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu es musulman, tu montres l'apparence, les gens, ils vont te regarder. Et tout ce que tu vas faire, toute personne que tu vas côtoyer, toute action, tout, ils vont te regarder. Je parle pas des gens qui cherchent le mal, mais des gens, sakin, ils sont niya. Et plein de fois, ils vont te, moi, je vous donne un exemple. Pour dire, c'est pas une chose mal, mais une fois on était dans une assise, il y avait le cheikh Ibn Jibrin, rahimahullah, rahmatan wasi'a. C'était à la Mecque. Et il faisait un cours. Et il avait posé un verre. Il avait un verre devant lui, il faisait un cours. C'était sur, il faisait le tafsir des règles de naissance, l'enfant qui naît, etc. Il a akhiré. Et il avait mis une feuille dessus. Et à la fin du cours, j'ai été voir ici son assistant, et je lui dis, j'ai un des soual là où ça m'aide. Je lui dis, le shir, il met une feuille sur le verre. Est-ce qu'il y a un hadith sur ça ou pas? Est-ce qu'on aurait pu croire ça ou pas? Parce que vous savez très bien que le prophète il a dit de couvrir les aliments et de couvrir ici même les vaisselles le soir. Parce que dans un hadith, ici, il y a les maladies qui descendent le soir. Faut couvrir les aliments, faut, jusqu'à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, si on a oublié de couvrir, par exemple, des dates. Il a dit, qu'est-ce que tu fais avec? Tu les donnes aux poules. Il dit, tu les donnes aux poules. Parce que la sunna veut que tu couvres les aliments. Wadih. Donc moi, quand j'ai vu ça, je dis, ah, le hadith, tu couvres les aliments. Donc lui, il met un verre sur l'eau. Peut-être qu'il y a un hadith spécifique, quand tu mets de l'eau et tu mets une certaine période avant de la boire, vaut mieux la couvrir. D'accord? Je dis pas, c'est un ijtihad de... C'est une question que je me posais. Et c'est vrai que ça, je me suis dit, subhanallah, peut-être qu'il y a quelque chose. Pour vous dire, tout fait et geste d'un savant, c'est normal que ça soit analysé. Combien de gens me disent, oui, tu as fait ça, oui, tu as mis ça une fois, oui, est-ce que ça relève de la sunna? Est-ce que, pourquoi tu montres une certaine image? Donc tu parles de Allah et de son messager. Donc là, ça ikhlas, les gens, ils vont suivre. Pas, je parle pas des gens qui cherchent les erreurs et etc., l'uyoub. Non, je parle des gens qui, voilà, ils ont de bonnes intentions. Donc faut faire attention à ça. Donc de même, nous disons, attention, tu as une certaine image, et qu'à partir du moment où tu parles avec une personne, tu côtoies, tu prends une personne comme ami, je parle pas, tu côtoies tout le monde. Tu, vraiment ami intime, là, à ce moment-là, ça va cautionner la notoriété, l'intégrité de la personne si toi tu es connu pour être une personne, je dis pas intègre, mais une personne qui s'accroche au Coran et à la Sunna bi fahmi salaf al umma. Donc faut faire attention à ça aussi. Wadih. Amma quand tu bayines que ici toi tu es avec ahlul bid'ah, même avec ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, mais tu montres clairement que toi quand tu interviens avec eux, c'est pour, par exemple, dans un colloque, dans un séminaire, ça c'est le juhal encore qui comprennent rien. Quelquefois ils disent, oui, mais vous êtes avec des gens qui, déjà ils connaissent même pas Ahlul Bida, ils savent même pas ce qu'est un Mubtadi'. Vous dites, vous êtes avec des gens dans un séminaire qui font beaucoup et qui appellent ouvertement à la Bida. Lakin, moi quand je suis avec lui, est-ce que je suis assis dans la même chaise que lui? Et est-ce qu'il dit une phrase et je dis Barakallahu fik ahsant? Ou est-ce que lui, quand il a terminé, moi je participe et je dis Qala Allah wa Qala Rasul bi fami salaf al umma? Il y a une différence. Là, participe avec eux. Tant que toi tu es là avec l'intention de quoi? D'interdire le mal et d'ordonner le bien. Si toi tu ne vas pas, ben on va laisser Ahlul Bida simplement participer. Et déjà, faut savoir qui est Ahlul Bida. Je suis pas en train de dire un tel est Ahlul Bida. On va le voir dans les détails. Wadih. Donc ici, il faut faire attention à ceux qui répandent des mauvaises aqidah, une mauvaise aqidah et qui font le mal, et il faut faire attention de les côtoyer, de les cautionner. Et ici, Ahlul Bida'. Avant de continuer, on va s'arrêter avec Ahlul Bida'. Avec Al-Bid'a. Ici, Ahlul Bida'a dans Al-Aqidah. C'est Ahlul Bida'a dans l'Aqidah. Ces personnes-là, c'est clair. Ceux-là, tu dois t'éloigner d'eux. Tu ne dois pas les cautionner. Tu ne dois pas il akhir. Wadih. Quand tu parles avec eux, c'est que tu as le niveau, tu veux arrêter le munkar. Sinon, ne t'assois pas avec eux. Ne les prends pas pour amis. Là, on parle de Ahlul Bida'a, on est d'accord, dans l'Aqidah. Hein, faut pas mélanger les choses. On parle de l'Mu'tazila. Vous allez voir les shurouh, même de ce livre-là, Al-Ibana. Pourtant, c'est un livre, attention, si quelqu'un n'importe qui l'ouvre, il va lire tous les textes, je peux vous dire, il va sortir de chez lui, Allah al-Musta'an. Mais va voir, ici, les explications de Ahlul Ain. Quand il parle de Ahlul Bida', il cite toujours Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, ceux qui sont clairs, qui sont sortis depuis l'époque de Ibn Battah, à l'époque de Ibn Rajab, ils ont toujours été condamnés. Wadih? L'imam Ahmad, d'accord, Imam al-Sunnah. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il dit dans son livre, Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah. Il dit, il parle de l'innovateur, d'abord. Et il dit l'innovateur, al-Mubtadi'. Al-Mubtadi', c'est celui qui remplit les deux choses. Ces deux choses, c'est quoi? Il dit, al-Mubtadi'u huwa alladhi min 'adatihi al-ibtida' fi ad-din. أولاً هو الذي من عادته الابتداع في الدين. Ça c'est la première des choses. C'est qui l'a dit? L'imam Ahmed dans Usul al-Sunnah. Clair? Là on parle de c'est qui l'innovateur. La plupart disent l'innovateur et savent pas c'est qui. C'est celui dont l'innovation est une chose habituelle. Comme l'a mentionné Ibn Taymiyyah, c'est celui qui ne cesse de répéter innovation sur innovation. C'est celui qui a pris pour habitude al-bida', les innovations. C'est pas quelqu'un qui a fait une innovation, quelqu'un qui en a fait deux, quelqu'un qui en a fait trois. C'est quelqu'un qui est connu pour faire que des innovations. Awalan, clair? Elle est devenue habituelle donc pour lui. Et donc pas celui qui fait une innovation. Et il dit l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala dans son livre Usul al-Sunnah. La deuxième des conditions, Alla yakun mujtahidan wa innama yakunu muttabi'an lil hawa. Il ne faut pas que ça soit une personne mujtahidan, c'est-à-dire qui fait un ijtihad. Il est connu pour la science et il est connu pour avoir le degré d'un mujtahid, mais c'est une personne qui suit ses passions. D'accord? C'est-à-dire, il faut que ça soit pas une personne qui soit connue pour avoir un degré de science, pour ici rapporter la vérité, et c'est pas quelqu'un qui a une bonne image à la base, qui est connu pour être une personne de science. Mais c'est une personne qui suit ses passions. C'est clair, fondé sur rien du tout, et dans tous ses avis, et dans la majeure partie de ses avis, il s'égare, et il égare, il a akhir. Clair? Il dit, هذا هو المبتدع. واضح? Et ça n'a rien à voir avec ceux qui vont faire une fois une innovation, même dans l'aqidah. Ça n'a rien à voir avec eux. Et on va parler des degrés de al-bid'a. Ahlul ma'asi. Ils sont moins pires que ahlul bid'a. C'est-à-dire les gens de la désobéissance. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. Ici, بالسنة والإجماع أن أهل البدع أشر من أهل المعاصي. Ici, بالسنة والإجماع. Avec les preuves de la sunna et à l'unanimité, les gens de l'innovation sont pires que les gens de la désobéissance. أهل المعاصي, ceux qui tombent dans les actes de désobéissance. Les actes détestés par Allah et son messager. Car les innovateurs, ici, prétendent qu'ils ont la vérité. Ils pensent avoir la vérité et ils prétendent que la religion est manquante, wal'iyadu billah. Un mubtadi', c'est comme s'il disait, il manque quelque chose dans la religion. Donc, il a apporté une nouvelle chose. Et al-bid'a, c'est quoi al-bid'a? C'est tout ce qui a été innové. Ma uhditha ba'da mawti an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. بقصد التعبد ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est tout ce qui a été inventé, apporté après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام avec l'intention d'en faire un acte d'adoration alors qu'il n'y a ni preuve dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Ça c'est une bid'a. Donc tu as apporté une chose nouvelle. Donc tu prétends qu'il y a un manque dans la religion. C'est pour ça qu'ils sont plus graves que Ahlul Ma'asi. Parce que Ahlul Ma'asi, il va reconnaître clairement. C'est clair, c'est wadih. Donc on voit encore la gravité de tomber dans les choses qui sont ambiguës. Dans les choses qui prêtent à ambiguïté. Amma, la chose qui est claire, c'est clair. Même pour Ahlul Ma'asi, c'est pas dire je bois de l'alcool, je sais que c'est haram. Donc il reconnaît. Quand tu reconnais, c'est plus facile pour toi de te repentir. Amma, celui qui reconnaît pas qu'il fait le mal, là c'est autre chose, c'est grave. Imagine-toi celui qui va dire, mais non, c'est pas haram, parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Lui, c'est grave ou pas? Lui, Rabbama, à vie, il va mourir avec l'alcool. Mais celui qui boit et qui sait que c'est haram, celui-là, alhamdoulilah, dans un sens, je dis. C'est-à-dire, dans le sens que, un jour ou un autre, bi'idhnillah, il y a de fortes chances qu'il se repente. Parce qu'il a reconnu déjà son erreur. C'est clair pour lui, mais Ahlul Bida, il va dire, non, je suis dans le haq. Ouais, mon intention est bonne. Et c'est pour ça qu'a dit Ibn Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, l'innovation est plus aimée d'Iblis, l'innovation, elle est plus aimée d'Iblis que le péché. Car on se repent du péché et on ne se repent pas de l'innovation. C'est plus aimé par Shaitan. Parce que le péché, ici, Iblis, il sait très bien que tu vas reconnaître plus facilement, tu vas te repentir du péché. Amma, l'innovation, en général, celui qui fait l'innovation, lui, croit qu'il est dans le haq, donc il se repent pas. Et c'est pour ça, comme il le mentionne Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, quand il parle des brèches, des ruses de Shaitan. Il dit, parmi les ruses de Shaitan, et il montre quelles portes par lesquelles rentre Shaitan. La première porte, la première des choses qu'il veut te faire, dans quoi il veut te faire rentrer Shaitan, c'est quoi? Ash-shirku billah. Quand il n'arrive pas à te faire rentrer dans shirk, il essaie de te faire rentrer dans quoi? Al-bida'. Regardez, tout de suite après shirk, al-bida'. Shaitan, il veut te faire rentrer dans shirk, il sait que tu vas sortir. Il n'arrive pas, les innovations, al-bida'. Wadih? Donc ici, il faut bien comprendre qui est Al-Mubtadi'. C'est celui, c'est habituel pour vous. Il est connu pour faire des innovations. C'est pas quelqu'un, tu le vois, tu le connais, il parle que, alhamdoulilah, avec qalallah, qalal rasoul, bifam, salaf al-umma, il revient toujours à salaf, il a akhiré. Et une fois, ou deux fois, ou rarement, tu vois des innovations. Ahlul bid'a, ya akhi. Où il va faire une chose qui n'est même pas une bid'a. Mais c'est une chose où il y a divergence. Non réprouvée, il y a des preuves des deux côtés. Il y a un ijtihad des gens de science. Ça veut dire quand il y a un ijtihad. Quand quelqu'un il te dit, moi j'ai pris cet avis. Là tu vas dire, non, moi j'ai pris cet avis parce que beaucoup de savants ont dit. Moi j'ai pris cet avis, c'est un savant. Il est connu pour être un savant. Le savant, quand il se trompe, il a combien de récompenses? Une récompense, comme a qala alayhi salatu wassalam. Et quand il dit la bonne réponse, il a deux récompenses. Donc dans tous les cas, tu n'as rien droit de lui reprocher. Wadih. Là je parle pas de ceux-là qui sont carrément égarés. Là on parle de celui qui a fait une vraie bid'a. Même avec ceux-là, ce n'est pas un mubtadi'. On est d'accord? C'est qui l'a dit, l'imam Ahmed dans Usul la Sunna, revenez dans son livre, inshallah ta'ala. Et on commence avec le premier hadith, ici, du prophète alayhi salatu wassalam, où il est relaté, que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné. قال الشيخ وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذي تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله توبتهم. Et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari, et il est rapporté par Muslim, et il est rapporté par Abu Daoud, et il est rapporté par Al-Tirmidhi bisanadin sahih. Et le prophète alayhi salatu wassalam ici, et il utilise cette preuve là Al-Mu'allif pour dire qu'on a le droit de se désavouer, de se détourner, de ne pas cautionner, de s'éloigner des gens qui ont fait une chose détestée par Allah et son messager, qui est grave. Je parle d'une chose grave. Et dans certains cas. Quelle preuve? Comme dans le Bukhari au Muslim, il parle et il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de s'éloigner, de se désavouer des trois personnes qui sont restées en arrière lors de la bataille de Tabouk. Ils n'ont pas voulu participer. Et chacun avait ses excuses, chacun avait, et le prophète alayhi salatu wassalam, il a ordonné de ne plus leur parler, de ne plus, jusqu'à ce qu'il a ordonné de s'éloigner de leur propre épouse. Même leur épouse. Khlas. Vous approchez plus de vos épouses. De plus leur rendre le salam. Et pendant, il les a mis en quarantaine pendant à peu près un peu plus de 50 jours, 50 nuits. Jusqu'à ce qu'ils en, ils en pouvaient plus. Et comme Allah Azza wa Jalla dit, il dit dans le Coran, jusqu'à ce que, quand Allah il a mentionné leur, le fait qu'il a accepté leur repentir, jusqu'à ce qu'ils ont senti qu'ils étaient, que, avec une traduction du sens, comme si la terre, elle se resserrait contre eux. Tellement que tout le monde était contre eux. Personne leur parlait. Tout le monde les mettait de côté. Et la pire des choses, c'était quoi? Et la chose la plus dure, le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, il s'est éloigné d'eux. Et le prophète, il a ordonné de s'éloigner. Pourquoi? Il y avait qui dedans? Il y avait Ka'b ibn Malik, le grand compagnon, radiyallahu anhu arda. Ce grand compagnon. Et Allah, jalla wa ala, leur a pardonné ensuite, bien sûr. Et ils ont arrêté ici le fait de s'éloigner d'eux. Al-Hujran ici a été arrêté. Quand Allah, azza wa jalla, a accepté leur repentir, et c'est des versets coraniques qui sont récités, qui seront récités, jusqu'à la fin des temps, incha'Allah ta'ala. Et il rappelle que c'est une preuve que dans certains cas, on a le droit et on se doit de s'éloigner des gens. Mais c'est Ka'b ibn Malik, c'est un grand compagnon. Même s'ils ont du bien, mais quand ils font une chose grave. Voilà qu'il y a ils ont dit. Et ça, c'est la preuve que on va pas rentrer dans un excès en disant non, tu dois être bon et l'amour avec tout le monde dans tous les cas, c'est-à-dire, tu dois être la grande fraternité avec tout le monde et tu dois manger toujours avec tout le monde et cautionner tout le mal. Et on rentre pas dans cet excès. Il y a des fois où il faut s'éloigner de personnes. Ça, c'est le prophète alayhi sallam, c'est l'ulama qui le disent. Et particulièrement, on est avec qui là toujours? Avec qui là on parle de? On parle de qui particulièrement là? Ahlul bida. Et ahlul bida, on parle de qui? Ahlul bida dans l'aqida. Là, toujours, tout au long, vous allez voir, c'est dans l'aqida particulièrement. Et on parle aussi ahlul ma'asi et ahlul ahwa. Na'am taban, ahlul ma'asi wa ahlul ahwa. On doit aussi s'éloigner d'eux dans certains cas. Lakin, al-ulama, ils disent. Ici, le fait, al-hajr kad-dawa. Le fait de s'éloigner des gens, ça doit être utilisé. Donc, c'est-à-dire ce terme-là, c'est-à-dire de se désavouer des gens, de s'éloigner des gens, de ne plus les côtoyer, la akhiri, ça doit être comme un médicament. Quand tu vois qu'il est bénéfique, eh ben, utilise-le. Quand tu vois qu'il n'est pas bénéfique, eh ben, ne l'utilise pas. Wadih? Al-ulama, il dit, c'est comme un médicament. Quand tu vois que c'est bénéfique, c'est-à-dire quand tu vas t'éloigner de la personne, il va se réformer. Là, à ce moment-là, il y a de bons résultats. Fais-le. Mais quand tu vois que si tu t'éloignes de la personne, c'est pire. Il va accumuler ici son mal, ou répandre son mal encore plus, eh ben, à ce moment-là, tu ne dois pas le faire. Première des choses. Deuxième des choses. Ils disent, et je vais vous donner les références, Ils disent que si toi tu côtoies une personne, c'est-à-dire parce que tu t'es dit, moi si je m'éloigne d'elle, ça va être pire pour elle. À ce moment-là, tu es obligé de quoi? De lui ordonner le bien et de lui interdire le mal. Ça veut pas dire, ah bah non, ça va être pire, donc je peux rester avec lui et voilà, tranquille. Ah, on prend tous les textes. Donc tu restes avec lui, mais quand tu vois un munkar et tu vois sa maladie, donc tu sais qu'en t'éloignant de lui, ça va être pire. Mais tu le côtoies et Allah connaît ce qu'il y a dans ta poitrine. C'est simplement pour le réformer et l'aider à se réformer. Deuxième des choses. Vous avez bien retenu ça. Troisième et dernière des choses, tu le fais que si tu sais que ça va pas te porter préjudice. Claire? Tu le fais que si tu sais que ça va pas te porter préjudice. C'est-à-dire, le premier des cas, un frère, il va faire des choses graves. Il veut pas se réformer. Khalas. Je vais le mettre de côté. Je le côtoie. Mais, dans l'intention de quoi? De le réformer. Il persiste ou bien, moi je n'ai pas le niveau de le réformer, mais il fait des choses de mal. Je n'ai pas le droit de le cautionner. Je m'éloigne de lui. Wadih? Je m'éloigne de lui. Claire? Ici, parce que je sais que je peux pas le réformer. Mais quelqu'un va dire, moi, je peux le réformer de temps en temps, mais quand je suis avec lui, je sais que ça va me porter préjudice. C'est-à-dire, il va m'influencer vers son mal à lui. Ou alors il va me perturber. Ou alors il va m'empêcher d'avancer dans la religion. Parce qu'il me fait du mal et il veut pas se réformer. À ce moment-là, c'est un droit de t'éloigner de lui. Wadih? Maintenant, s'éloigner de la personne. Comment et quand on doit s'éloigner de la personne? Tu t'éloignes de la personne et tu la délaisses qu'à partir du moment où tu vois qu'il y a un grand mal. Comme si, par exemple, il fait partie de Ahlul Bida' dans l'Aqida, dans les dogmes islamiques. C'est une personne qui veut pas se réformer. Ou il est tombé dans une bid'a mukaffira, la khlas. Tu t'éloignes de lui. Et ici, dans certains cas même, dans certains cas, je dis, mais ça c'est vraiment dans certains cas, tu es dans ton haq de même pas lui passer le salam. Dans certains cas. Le prophète alayhi salatu wasalam, quand il est rapporté par Ibn Abi Shayba, une personne est venue lui passer le salam. Walam yarud alayhi. Le prophète alayhi salam, il a pas répondu. Je dis, ya Rasulallah, il t'a passé le salam, tu lui as pas répondu. Il a dit quoi, le prophète alayhi salatu wasalam? Innahu zu wajhayn. Car celui-là, il a deux visages. Et vous savez que le prophète, il a dit dans Sahih Muslim, les pires des gens, c'est zal wajhayn, ceux qui ont deux visages. Il vient avec un groupe ou une personne avec un visage et avec une autre personne avec un autre visage. Al-ulama, ils ont dit, c'est les pires. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui détruisent les sociétés. Et si ceux-là et leur maladie se répond, on va arriver à un stade, comme il dit Ibn Uthaymi, rahimahullah ta'ala, dans le char de Riyad Salihin dans le charh de ce hadith-là, on va arriver à un stade où il y aura plus de confiance envers personne. Et tout le monde va rester sur ses gardes, et là il y aura beaucoup de mal qui va se répandre, et la communauté va se diviser. Et il dit, Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah ta'ala, ça c'est un genre, un type d'hypocrisie, wal'iyadu billah. Ça c'est un genre d'hypocrisie. C'est pour ça que la personne doit être claire. Quand tu n'es pas d'accord avec une personne, tu lui dis. Quand tu vois un mal, tu lui dis. Quand tu es avec une personne, surtout que tu prends pour ami, ah je dis, tu prends pour ami, tu le côtoies. Cette personne-là, tu dois être clair avec lui. Pour pas le tromper et pour pas tromper ta propre personne. Soit tu vois un mal en lui et quelque chose que tu n'acceptes pas, et tu le prends pour ami, c'est-à-dire tu le côtoies. Et tu lui dis, ah je suis pas d'accord avec toi, réforme-toi sur ça, ceci, cela. Ou soit, ici, tu l'exiles pour le réformer, ou soit, à ce moment-là, tu te détends de lui, ici, et وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Mais rester avec lui, sans montrer le munkar, et en cautionnant son mal, là, il y a une certaine hypocrisie. Et tu agis avec un manque de franchise, et quelque part, il y a ce type d'hypocrisie qui est le fait d'avoir double visage. Envers toi, ou envers d'autres gens, tu vas dire, je reconnais son mal, mais devant lui, tu fais un grand sourire. Et ça, c'est un mal grave. Et ça, c'est ce qui va répandre le manque de confiance entre les musulmans et ici, mettre chacun dans ses gardes et diviser la communauté. Il faut être clair et franc. Il faut être honnête envers soi-même et parler franchement. Et suivre al-haq. Et pour cela, comme a dit l'ulama, invoque toujours Allah Jalla wa Ala pour qu'il te raffermisse et qu'il te guide sur al-haq. Toujours. Parce que sans at-tawfiq min Allah Azza wa Jal, tu vas certes t'égarer. Wadih. Et ici, il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Majmou' al-Fatawa. Et ici, page 234, il dit, rahimahullah ta'ala, فَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْبَبِ إِلَّا قَاصِدًا بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Quand on parle du fait de se détourner d'une personne, ne plus le côtoyer. Et quand tu vas dire aux gens, côtoyez plus Foulaine, c'est une lourde responsabilité. T'imagines que si toi tu éloignes les gens des gens du bien, comme il disait Cheikh Abdallah al-Mutlaq hier, ce sont les gens qui, alladhina yasudduna an sabilillah. Ceux qui obstruent le sentier d'Allah Azza wa Jalla, et Allah en a parlé maintes fois dans le Coran al-Karim. Ici, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, quand tu rentres dans cette porte où il n'est pas autorisé un homme qui parle dans cette porte-là, dans ce sujet-là, ici, il n'est pas autorisé qu'il parle dans ce sujet-là, sauf si son intention et le fait de satisfaire Allah Jalla wa Ala. Il vise par cela la face d'Allah Azza wa Jalla. Donc là on reparle de An-Niyya. Si ton intention n'est pas bonne, c'est-à-dire vouloir vraiment le khair pour ton frère, là on parle même pas de l'action. Comment le faire, juste ton intention. Elle n'est pas vraiment bonne à 100% parce que tu veux le bien pour ton frère et ça va se manifester dans ta façon de faire. À ce moment-là, c'est interdit pour toi, comme le dit Ibn Taymiyyah, de rentrer dans cette porte-là. La deuxième des choses, il dit, l'intention et l'action doit être saine. Il dit, An-Niyya doit être saine, et l'action doit être saine. Et non pas parce que les gens disent des choses, ou parce que les gens ont parlé de cette personne, ou parce que tu veux satisfaire un groupe de personnes, ou parce que, non, parce que ton intention est saine. Et ici, avec une intention bonne, et ici, ton intention, elle doit être bonne, et ici, conformément au livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, bifahmi salafil umma, c'est-à-dire, tu as bien compris les choses avant de dire, je veux le bien pour le frère. C'est-à-dire, il s'est égaré. Il faut bien comprendre et être sûr de toi. Est-ce qu'il s'est égaré ou pas? Et ça, il faut al-ilm. Et il faut de la science. Il faut bien comprendre. Il faut réunir tous les textes, toutes ces paroles à cette personne-là. Tous ses comportements. Chercher à comprendre est-ce qu'il est dans le vrai ou dans le faux. Troisième des choses, il dit Ibn Taymiyyah, on exile celui qui appelle à l'innovation et pas celui qui cache son innovation ou sa désobéissance. On exile celui qui appelle à l'innovation et pas celui qui cache sa désobéissance ou son innovation, mais celui qui le fait ouvertement et qui appelle à cela, et si cela se voit à travers son comportement. Il dit, c'est pas n'importe qui. Il dit, même celui qui a du mal et celui qui a des innovations, mais qui n'appelle pas à ses innovations. Et ça ne se manifeste pas à travers son comportement de façon ouverte, à ce moment-là, celui-là, tu ne l'exiles pas. Clair? Mais si ça se manifeste dans un comportement, dans un truc, à ce moment-là, ici, tu adaptes. Et ça, c'est du cas par cas. Les règles générales et les grandes lignes, on les donne. Ça dépend. Est-ce que celui-là, tu peux lui interdire le mal? Est-ce que c'est une bid'a mukafira? Il a akhiri. Et il dit cela dans Majmou' al-Fatawa, فإنما يهجر الداعي إلى البدعة. On exile الداعي إلى البدعة, celui qui appelle à l'innovation. C'est celui-là. Pas celui qui a fait une innovation, celui qui appelle les gens. Faites cette innovation. مجموع الفتاوى volume 24 page 174. Et ici, vous pouvez aller vérifier ceux qui ont l'arabe. Et s'il la cache, cela est entre lui et Allah. S'il cache son innovation, tu restes que dans « je pense, je vois », c'est entre lui et Allah. Et il dit, nous on doit juger l'apparence et ce qui est clair, et pas juger ce qui est caché. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a cessé d'être bien jusqu'à ce qu'il a prié sur un homme qui était à la tête des hypocrites, qui était qui ? Abdullah ibn Ubay. Pourquoi ? Parce que quand on lui a dit « Ya Rasulallah, il faut qu'on les tue ceux-là », il y avait des hypocrites avec eux. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam ? Voulez-vous que les gens disent « Voilà, lui c'est un prophète et il tue ses compagnons ?» Pourquoi ? Parce que pour les autres, c'était pas des hypocrites. Donc ici, ce n'était pas une chose faite ouvertement. Donc il a eu, le prophète, il a reçu la liste des hypocrites. La liste des hypocrites a été donnée à qui ? Qui l'avait ? Hudhayfa radiyallahu anhu, jusqu'à ce que Umar ibn al-Khattab il a dit ya Hudhayfa, est-ce qu'Allah azza wa jal m'a cité parmi les hypocrites? Regardez les gens, mashallah, qui étaient sincères, qui craignaient vraiment Allah, ils étaient pas trop sûrs d'eux. Allah il m'a cité parmi eux. Et ici Hudhayfa radiyallahu anhu, il avait la liste des hypocrites. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a cité tous les noms des hypocrites et il a dit khlas, il faut les exiler, il savait comment réagir avec eux. Et regardez al-maslaha wa al-mafsada. Et il voyait où ça allait amener les conséquences. Donc il a réagi comme il se devait et il rappelle Ibn Taymiyyah, tant que l'innovation est cachée, khlas, ça c'est un cas. Mais si elle se fait apparaître et la personne nuit aux gens, ça c'est un autre cas. Et ici on voit l'importance de cacher les défauts des gens et les défauts que la personne peut avoir, tant que ces défauts-là peuvent être guéris et corrigés, tant qu'ils ne les manifestent pas de façon claire. Sauf celui qui le font ouvertement et y appelle. Ibn Taymiyyah le mentionne aussi. Ceux qui le font ouvertement et qui y appellent, à ce moment-là, ces personnes-là, on est obligé de s'écarter de ces personnes-là. Et après des conseils, ils en persistent et continuent à faire du mal. C'est-à-dire ces gens-là qui ont fait une bid'a et qui sont considérés comme un mubtadi'. Mubtadi', c'est qui ? Celui qui ? C'est qui le mubtadi', on a dit ? Min adatihi. Ça fait partie de son habitude. Il est connu pour faire que des bid'a. Clair ? Et c'est celui-là qui n'est pas un mujtahi. Ça, c'est les deux conditions de qui ? C'est qui a dit ces deux conditions ? Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Donc ça, c'est, voilà, on parle de le mubtadi'. Celui-là, il appelle les gens. C'est de son habitude de les faire. Et il appelle les gens à faire cette bid'a, et tu le conseilles. Comment tu le conseilles ? Faites pas comme les égarés qui vont prendre, comme on a dit, hein ? Ceux qui vont aller prendre les trucs al-mutashabih, et ils vont délaisser al-muhkam. Et ici, ce livre de Aqidah et les paroles des salafs, et quand ils mettaient en garde contre Ashab al-Ahwa et Ashab al-Bida', ils parlent souvent du comportement qu'ils ont, c'est-à-dire le fait de délaisser ce qui est clair pour aller voir ce qui est ambigu. Mais il y a des gens qui, soi-disant, condamnent cela, mais eux, ils font partie d'eux. Quelque part, et ils réagissent de la même manière. C'est-à-dire, ils vont chercher des textes qui peuvent prêter à plusieurs interprétations, à plusieurs sens. Mais ce qui est clair, ils vont le délaisser. Par exemple, tu vas lui montrer, il y a 5000 textes qui montrent que le prophète a.s. il a dit la yasturu abdu abdan fi dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyama, que le prophète a.s. il a interdit de scandaliser, que le prophète a.s. il disait toujours, il faisait toujours le nasiha sirran, que le prophète a.s. il voulait toujours le bien pour les gens, le prophète a.s. il ne scandalisait pas as-sahaba, as-salaf. Lui va aller chercher 3 textes, et il va en faire toute une conférence, et il va rester parler pendant un quart d'heure de l'isnad, rapporté par Foulan, pour dire c'est sahih. Et regarde quel compagnon a fait. D'accord, t'as assisté sur 3 textes. Maintenant, sois équitable. Et va réunir maintenant, et va prendre les 1000 textes, ou les 2000 textes, ou les 10000 textes, maintenant, qui va à l'opposé. Va prendre ce qui est wadih, ce qui est clair, qui te montre tu n'as pas le droit de vouloir du mal, de porter atteinte à ton frère, de scandaliser ton frère. Les versets clairs. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Va chercher tout ce qui est clair concernant la mise en garde de porter atteinte à ton frère et l'akhir, et les hadiths du prophète qui sont nombreux. On va citer que quelques-uns. من تتبع عورات أخيه, celui qui suit les défauts de son frère, تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ Allah suivra ses défauts et le scandalisera حَتَّ فِي جَوْفِ بَيْتِ Tout ça tu laisses et tu vas me dire oui Omar une fois il a scandalisé. Moi je vais te dire Omar ibn al-Khattab il a dit quand ton frère dit une parole ici trouve-lui toujours une excuse au kamaqala Omar et si tu ne trouves pas d'excuse dis-toi sûrement lui il a une excuse. Ah bah ça contredit ce que tu as dit de Omar ibn al-Khattab. Réunis tous les textes. La règle de base c'est quoi? En réunissant tous les textes, quand quelqu'un fait une erreur, tu le corriges sirran, de façon discrète. Ici, tant que son erreur elle est faite, de façon discrète. Personne ne sait. Il va nuire à quelqu'un, non c'est sirran, corrige-le. Clair? Si la personne fait une erreur de façon ouverte, devant tout le monde, tu le corriges comment? Billahi alaykum. Là on fait travailler al-aql, qui ne s'oppose pas du tout à naql. D'accord, on avait dit ici, Ahlus Sunnah wal Jama'a yuqaddimun an-naql 'ala al-'aql. D'accord, ils font toujours devancer le texte qui est révélé sur la pensée et la raison. D'accord. Mais quand ça s'oppose pas, il n'y a pas de mal. Billahi 'alaykoum, on fait travailler juste la raison. Toi, tu veux le bien pour un frère, mais par contre, il l'a fait discrètement son erreur, tu peux le corriger discrètement pour qu'il se corrige ouvertement. Il a fait ouvertement, tu peux le corriger discrètement pour qu'il se corrige ouvertement. Mais toi directement, tu prends le micro et tu dis, le frère Foulen ibn Foulen, il a fait une erreur dans tel endroit. Même la raison, la logique, ce qui est clair, connu par tout le monde. Qui va oser dire que celui-là, il veut son bien? Billahi alaykoum. Allez, qui peut dire? C'est possible? Mustahil. Illa al-majnoun. Sauf un fou et un menteur, kadhab ou un gros malade du cœur. C'est impossible. C'est inimaginable, c'est impensable. Ça rentre dans la tête de personne qui un minimum de conscience ici et de bonne moralité et de bonne compréhension et un minimum de crainte d'Allah, c'est pas possible. Donc ici quelqu'un qui fait une erreur ouvertement, tu le corriges discrètement. Mais quand tu vas le corriger, tu ne vas pas en affirmant avec un bon comportement, avec des bonnes manières parce que tu veux son bien. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il a dit dans Majmou' al-Fatawa, celui qui veut rentrer dans cette porte, c'est-à-dire le fait d'exiler une personne, s'éloigner d'une personne, ou mettre en garde contre une personne, il doit le faire que s'il ne cherche par cela que le visage d'Allah. Wadih? Donc ici, toi tu veux son bien, tu vas le corriger discrètement, sans affirmer, parce que peut-être toi tu crois que t'as le haq, mais toi t'as le batil. Tu vas penser qu'il a fait une erreur, c'est pas une erreur. Donc il faut faire attention à ça. Il y a des gens qui affirment, mon frère, taqillah, tu as fait une erreur dans cela. Il faut faire attention. Rubama, c'est une erreur. Mais peut-être c'est pas une erreur, tu ne sais pas, peut-être qu'il va t'apporter des preuves et tu vas dire, ah bah oui, khlas. Il y a des gens qui persistent. Mathalan, ce n'est pas une erreur, mais il y a une divergence. Je donne un exemple. Une fois, j'ai fait un sermon, il n'y a pas longtemps, sur al-riba. Et ahad al-ikhwa, ici, arsala yani risala, il m'a envoyé un message. Il a envoyé un message et il a dit, ya akhi qad akhtat fil khutba. Tu t'es trompé dans la khutba, ou alors le mouim, ala kulli hal, il a dit, il a mentionné un texte que j'avais cité. C'est le prophète alayhi salatu wasallam a dit wa sahaha al hadith. Le hadith il a été authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Ala sabil al-mithal. Je dis pas que le frère il a une mauvaise intention, je le connais même pas, mais il a envoyé un message. Donc il a dit wa anta qult bi anna an-nabi alayhi salatu wasallam qala. Tu as dit le hadith du prophète alayhi salatu wasallam il a dit ar-riba 73 baba aysaruha mithlu an yankiha rajulu ummah. Ar-riba 173 portes ou 73 degrés. Le degré le plus bas, c'est comme s'il forniquait avec sa mère. Hadith sahih. Authentifié par Cheikh al-Albani. Je l'ai dit. Wadih. Et il m'envoie un bahth. Bon, un bahth. Copier-coller, on va dire plutôt, hein, pour être honnête. D'accord? Parce qu'il y a un site, je veux pas citer le site, mais ala kulli hal, où ils font souvent, ils citent un hadith et un ijtihad de certaines personnes. Moi, il m'a ala kulli hal des recherches plutôt de certaines personnes et il montre al-isnad, al-asanid, etc., est-ce qu'il est authentique ou pas. Et il me montre, voilà, qala Cheikh Fulan an hadha al-hadith, wa qala Cheikh Fulan, wa qala Abu Ishaq al-Huwayni, wa qala Cheikh Fulan ila akhiri. Khalas, nous, on renie pas leur notoriété, je dis pas du tout que j'ai leur niveau et j'ai pas dit c'est moi qui ai authentifié le hadith. Kalla, pas du tout. Donc ici nous disons khlas. J'ai dit bah khlas, je vais pas aller plus loin. Lui il me dit foulen, il a da'af une partie du hadith ou le hadith. Je vais lui dire khlas, je lui ai renvoyé, j'ai pas dit pour faire copier-coller, je l'ai pris dans Majmou' al-Fatawa qui est chez moi, dans Sahih al-Jami'. J'ai fait exprès, j'ai pris le temps, je me suis dit juste pour l'éduquer. J'ai fait une photo de la page, pour qu'il dise copier-coller, une photo de la page. D'accord? Et donc, il y a dans Sahih al-Jami' le hadith authentifié par Cheikh al-Albani. Donc, pour lui montrer, khlas, toi tu dis Cheikh Foulen là, a rendu faible, moi je te dis Cheikh al-Albani, j'ai pas le niveau moi pour dire, voilà, non, il est hasan ou il est da'i. Toi tu me dis un grand savant ou deux grands savants, moi je te dis, un savant du hadith, wa huwa min akbaril muhaddithin, fi asrina hada. Cheikh Al-Albani, qui était leur professeur? Abu Ishaq Al-Huwayni. C'était l'élève de qui? De Cheikh Al-Albani, subhanallah. Et je vais dire que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il les avait, la plupart de ceux que tu me cites, comme élèves. Lui, Cheikh Al-Albani, l'a authentifié. Point, ça s'arrête là. Et après, je lui envoie juste ça, pour pas polémiquer. Est-ce qu'il y a une polémique à avoir dans cela? Il n'y a pas de polémique à avoir. Juste pour lui dire, t'inquiète pas, khalas barakallahu fik. S'il m'avait dit Cheikh Al-Albani, tout le monde y avait ijma' sur la question qu'il était faible, très faible. Et hadith faible, il y a des conditions pour l'utiliser ou pas. Clair? On va dire, mais là je lui dis, monte, juste pour pas polémiquer. Tu me dis ça? Non, t'inquiète pas, il est authentifié par Cheikh Al-Albani, donc il y a une divergence, khalas, on respecte. Il me renvoie, il me dit, oui, mais il y a quand même de grands nombres de savants qui ont dit quand même qu'il était faible. Tu vas parler avec quoi? Avec qui ça? Où tu vas continuer à parler avec des gens comme ça? Billahi alaykoum. Là, khalas, ça s'arrête. Intaha al-kalam. Je te dis, Cheikh Al-Albani, le grand muhaddith, il a authentifié le hadith. Tu me dis, ah, non, je te respecte. Khalas, mais ne continue pas plus loin. Donc quand tu donnes une nasiha, n'affirme pas. Mais viens avec adab. Et ad-dinun nasiha, na'am. Voilà, comment tu nasah, ça c'est autre chose. N'affirme pas. Et si la personne se trompe quand tu lui as fait la nasiha discrètement, qu'est-ce qu'il lui est demandé? De se corriger obligatoirement, ouvertement. Parce qu'il a fait ouvertement l'erreur. Donc tout le monde l'a entendu, il se corrige ouvertement. Si la personne ne se corrige pas ouvertement, et toi tu ne cesses de le conseiller, et c'est une chose où il n'y a pas de divergence. Il y a unanimité, c'est une erreur claire, grave. À ce moment-là, tu le dis ouvertement en disant, il y a des personnes comme le prophète alayhi salatu wasalam faisait. Que dites-vous de personnes qui disent cela, ou qui disent cela, ou qui font cela, et qui font cela? Si tu sais que les gens vont comprendre, t'as pas besoin de citer de nom. Et si tu sais que les gens vont pas comprendre, et c'est une chose grave qui propage, et beaucoup de gens l'écoutent, et que c'est un mubtadi', et qui peut nuire grave à la communauté, et qui ne veut pas se réformer, et que sans citer son nom, il ne va pas se réformer, et les d'autres personnes n'ont pas cité son nom, c'est ton devoir de citer son nom. C'est plus sain là ou pas, billahi alaykoum? C'est plus propre, c'est plus compatible avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, na'am. Lakin des gens, ils dépassent ici et ne respectent pas ici les étapes. Et ici, il est rapporté aussi. S'il y a un intérêt, et je vais vous donner des références ici aussi, que tu l'exiles. Il se réforme, oui, comme disent ici al-ulama. Sinon, non, comme ici disent les gens de science, sauf si, ce que je vous ai cité, s'il te porte préjudice, etc., etc. Dans Majmou' al-Fatawa, volume 28, page 206. Dans Majmou' al-Fatawa, volume 28, page 206. Wadih? Ibn Taymiyyah, il rapporte que s'il n'y a pas d'intérêt d'exiler la personne qui fait le mal, et ben à ce moment-là, s'il ne se réforme pas et ça va accentuer son mal, tu ne l'exiles pas, sinon tu l'exiles. Wadih? Si en le côtoyant, tu cautionnes un mal, comme on l'a cité, ici à ce moment-là, tu dois l'exiler si tu n'as pas les capacités de le réformer et tu n'as pas le droit de le prendre du moins comme ami. Et l'exilé, ça dépend du mal qu'il fait. L'exilé, ça ne veut pas dire que tu lui passes plus le salam et tout parce qu'il a du mal en lui. Non, ça dépend. Ça, on arrive, ça, c'est des cas vraiment spécifiques. Quelqu'un qui fait une bid'a mukaffira ou alors un khilaf dans l'aqida et il fait du mal à la communauté, là, oui. Mais c'est pas n'importe qui, wal'iyad billah, il n'est pas d'accord sur une mas'ala. Ou même s'il fait du mal, même s'il te cause du tort, même à ta da'wa. Mais à la kulli hal, il est connu quand même pour suivre la voie de la vérité. Il a une bonne aqida, il a akhiri. Il s'est arrivé à un stade à dire je ne passe plus le salam, ça c'est vraiment dans certains cas et ce n'est pas donné à tout le monde. Amma pour prendre pour ami, ça il faut faire très attention qui on prend pour ami. Qala alayhi salatu wassalam, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Tu ne prends comme ami que un croyant et ne mange ta nourriture qu'un pieux. Ça c'est pour nous rappeler clairement comme il dit Sheikh Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a fi sharh hadha al hadith. Que plus la personne est proche de toi et plus la personne doit craindre Allah. Même si la personne qui tu t'éloignes de lui, tu t'entends mieux ou elle t'apporte plus de bénéfices dans les choses mondaines. Et si la personne qui tu prends pour ami craint le plus Allah, ici celui-là est plus à même que tu le prennes pour ami, même si tu t'entends moins bien avec lui, il te profite ou il t'est profitable moins que l'autre dans les choses mondaines. Mais tu dois régir ton amour et le fait de détester en Allah selon le Coran et la Sunna bi fahmi salaf al umma. C'est-à-dire tu dois te conformer. Il aime Allah, il aime son messager, il aime l'ilm, il aime ahlul khayr. Je le prends pour ami, mais je m'entends moins bien avec lui qu'avec l'autre. Eh ben c'est pas grave, sache à 100% que ça c'est quoi? Ça c'est l'âme, c'est le nafs. Al-nafs la ammaratun bisu, instigatrice au mal qui te pousse à faire ça. Parce que la chose est claire, mais tu caches la vérité. Khlas, il est bien, côtoie avec lui. C'est shaitan. Et des gens, shaitan va jouer avec eux en lui disant, bah t'as vu, tu te sens mal avec lui, hein, c'est qu'il y a quelque chose. Ah, c'est un gros shaitan qui est en train de dire, il est pas bien. Ba'ad. Nous, on juge quoi? Al-Wadih, ya Abdallah. Comment ça? Tu te sens pas bien avec lui alors qu'il est pas bien. Pourtant, il aime l'ilm, il aime la science, il assiste au cercle d'évocation, d'invocation, il fait le khair, il a un bon comportement. Je me sens pas bien. Mais pourtant, avec qui il côtoie, c'est que des gens, quand tu les vois, ils sont loin de l'ilm, de la science, de ahlul khair, de, des actes d'adoration, de l'ibadat, de... Et par contre, celui-là, oui, toi, t'es dans le haq, tu te sens mieux avec lui. Donc ça, c'est pas ton neuf, ça. Non, ça, c'est pas shaitan. Ça, c'est le haq qui parle. Ouais, les gens, ils sont, Allah al-musta'an. Illa man rahim Allah. Les choses sont claires. Et c'est ça, parmi les buts principaux de cette intervention et de ce séminaire, que vous comprenez. Que la voie claire, elle est claire. Cherche pas des ambiguïtés ou des choses dans les textes ou dans les comportements. Quelqu'un qui est clairement et apparemment bien, bon, à travers son comportement, à travers ses paroles, à travers son investissement religieux, celui-là il est bien. Une autre personne, tu vois qu'il est moins bien dans son investissement religieux, dans sa piété, dans son comportement, dans son... Eh ben celui-là, il est moins bien que celui-là. Même si ton nef te pousse vers celui-là. C'est clair ou pas? C'est wadih, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas... Et Allah Azza wa Jalla nous a rappelé que ici, on doit avoir al-wala wal-bara dans beaucoup de versets coraniques. L'alliance et le désaveu, ça doit être fondé sur quoi? Qala Allah wa qala ar-rasul bi fahmi salaf al-umma. Wadih? Et ici, on rentre dans aimer et détester en Allah Jalla wa Ala. Pour bien comprendre ce sujet-là. Clair? Et le danger de ne pas aimer en Allah, mais en autre chose. Parce que si une personne, tu l'aimes, pas en Allah. Exemple, je vais te donner un exemple. Quelquefois, shaitan, il va jouer avec toi. Et il va te pousser à cacher la vérité. C'est-à-dire, tu vas voir un exemple, hein, deux personnes. Mais les deux, ils prient. Les deux, ils vont à la mosquée. Mais il y a une personne qui, sans plus, qui n'aime pas la science, ou alors qui s'éloigne de l'haq, ou alors qui n'est pas trop investi. Comme ça, il prie à la mosquée, alhamdoulilah. Fahoua min ahli al-khayr, inshallah. Il fait partie des gens du bien. Et une autre personne qui est mieux investie, qui est mieux et qui est plus dans la science religieuse, etc. Pour vous montrer comment, même dans des cas qui peuvent nous échapper. C'est quoi le mieux? Et c'est quoi? Je dis pas le mieux par rapport à ce qu'on pense, qu'on voit. En islam, c'est mieux que tu côtoies la deuxième personne ou la première personne? Quelqu'un a un doute sur cela ou pas? D'accord, c'est plus la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'ama illa taqi. Plus la personne, elle est proche de toi, tu dois choisir les meilleurs des personnes. Parce que ton ami, dans un proverbe ici arabe, il dit, il te tire vers ce quoi il est. Wa qala alayhi salatu wa salam ar-rajulu. Ou comme a dit Ali sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhali. La personne est sur la religion de celui qui prend comme ami intime. Que chacun d'entre vous fasse bien attention, il va te tirer. Pourquoi? Quand tu côtoies beaucoup une personne, ici tu vas prendre de ses caractères, de ses manières, de ses comportements, de ses... Donc ça va être attention. Ça peut être dangereux, surtout s'il est un degré au-dessus de toi. Donc tu vas être plus influencé vers lui. Donc tu dois prendre toujours les meilleures des personnes selon tes capacités. C'est pour ça. Les meilleures des personnes à côtoyer, c'est qui? C'est l'ulama. On est d'accord, c'est l'ulama. Si toi tu peux aller côtoyer un savant, moi je vais te dire, non mon frère, reste dans les cours à Rachid Abu Hudayfa, et va pas dans le cours de Sheikh Foulan qui fait partie de Kibar al-ulama. Parce que moi c'est mieux, tu vas comprendre mieux avec moi. Et ça va pas la tête, qui a déjà dit ça? Va chez l'ulama, ya akhi. Avec tout, بكل احترام بعد عليا يا اخي. غير loin toi de moi. Moi j'ai dit, moi plus moins on m'écoute, moi بكل صراحة. Quelque part, je vais pas mentir à moi, mais quelque part mieux je me porte. Parce que sûrement ou probablement ça sera une hujja en moins contre moi au jour de la résurrection. Une personne qui m'aurait écouté en moins, qui m'aurait écouté, une personne en moins qui m'aurait écouté, je devrais peut-être rendre des comptes moins que s'il m'avait écouté ou plus de gens m'avaient écouté. Si tu peux aller voir des gens mieux, va voir des gens mieux. Mais quand tu vois qu'il n'y a pas un alim, eh ben tu vas voir quelqu'un qui a, tu peux pas côtoyer l'alim. Ou peut-être l'alim, il n'a pas le temps pour toi. Va côtoyer une personne qui est en dessous du alim, mais on parle toujours à darajat, il y a des degrés. Celui qui a le plus de science. Et à chaque fois, va vers ceux qui sont le plus ancrés dans la science. Parce qu'on est d'accord que la règle générale, les meilleurs des gens à côtoyer, c'est les gens les plus aimés par Allah Azza wa Jal. Ce sont les savants. Warathatul anbiya. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بالقسط. C'est qui a attesté de tawhid? Allah. Ensuite, al-malaika. Regardez les degrés. Allah, al-malaika et ensuite, les gens de science, al-ulama. Ici, Allah, il a glorifié combien de fois al-ulama dans le Coran al-Karim? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah, il te dit, ceux qui me craignent le plus parmi mes serviteurs, ce sont qui? Les savants. La tu sahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqih. Donc ça veut dire que qui? Tu vas voir ceux qui craignent plus Allah. Va voir les gens de science. Wadih. La personne va dire non, je vais aller avec lui. Et Rubama, donc comme il a fait mal son choix, d'accord? Et je dis pas que ça doit être une personne. Mais les gens qui aiment, il y en a beaucoup, Ahlul Khair, il y en a dans toutes les villes. De la France, dans tout endroit. Il n'y a pas qu'un ou deux. Il y en a plein, Ahlul Khair. Alhamdulillah, les gens de bien. Mais va chercher les meilleurs des gens. Et ici, Rubama, si lui, il a suivi son nafs, il va voir que la personne, sans se rendre compte, ou il va même pas se rendre compte, que la personne va le tirer vers ce quoi il est, et peut-être il va accrocher et renier son cœur. C'est pas à ce que détient ou avec ce que détient comme bien cette personne-là, c'est-à-dire al-ilm al-khayr, mais à cette personne-là en tant que personne. Et quand peut-être la personne sera absente ou ne sera plus là, ou il va mourir, ou il va voyager, ou il a akhiré, cette personne-là, tu ne le verras plus à la mosquée. Ou tu ne le verras plus autant investi. Pourquoi? Parce qu'il était accroché à cette personne. Pas pour le bien qu'elle détient, mais parce que, ici, il s'entendait bien avec cette personne, bien qu'il avait un peu de bien. Mais si tu restes accroché avec ceux qui sont le plus investis dans la religion, ils vont t'apprendre à quoi? À t'accrocher à la religion, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Et tu vas prendre l'habitude à t'accrocher à ce qu'ils détiennent, pas eux en tant que personne. Parce que tu suis pas une personne parce que c'est foulaine, mais parce que elle détient le mieux par rapport aux autres personnes. Et toi, tu dois choisir les gens les meilleurs. Comme nous, les musulmans, on doit être toujours parmi les meilleurs. Nous, on cherche toujours à ça, ça suffit. Non. Regardez, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il dit, nous, malheureusement, là, on est en dessous des autres communautés. C'est-à-dire, toujours, quand on parle de voiture, quand on parle de n'importe quoi, là, il parle des choses mondaines, et ben, toujours, on va demander aux autres communautés. On va demander aux gens. On va demander aux... Donc, il dit, tant qu'on est comme ça, on sera jamais parmi les meilleurs. Il a dit, nous, il faut qu'on soit parmi les meilleurs et mettre la barre toujours haute. Et ici, pour que les gens nous demandent. Il a dit, là, à ce moment-là, on sera parmi les meilleurs. Dans ce sens-là, hein, c'est pas de façon générale. Allah, il a dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Dans tous les cas, à partir du moment où on reste la seule communauté qui adore Allah Azza wa Jalla sans rien lui associer, on est la meilleure des communautés. Ça, c'est clair. Parce qu'on a at-tawhid. Wadih est la chose là, la plus importante. Les types de bid'ah. Donc ici, par rapport à aimer et détester en Allah Jalla wa Ala, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et le hadith est rapporté par Ibn Abi Shayba, lance la plus solide de la foi, le câble le plus solide, le plus important, c'est quoi? L'amour en Allah et détester en Allah. Aimer et détester en Allah Azza wa Jalla, c'est un, comme a qala al-ulama, des plus grands principes de l'iman. C'est pas une chose à négliger. Regardez l'ulama. Il dit, c'est un des plus grands principes de la foi. Tu dois détester celui qui déteste Allah et ce qui est détesté par Allah, et tu dois aimer celui qui aime Allah et celui qui fait des choses aimées par Allah Jalla wa Ala. Et pourquoi pas? Quelqu'un qui va dire des choses mauvaises sur ton père, il va critiquer ton père. Est-ce que tu vas l'aimer? Là, on parle de l'amour naturel. Tu vas t'éloigner de lui ou pas? Il est toujours avec toi, mais par contre, il parle en mal sur ton père. Ou alors, tu sais, il parle pas, mais tu sais qu'il n'aime pas ton père. D'accord? Et ton père, tu l'aimes parce que tu sais très bien et tu es juste. Même s'il a des défauts, ton père, tu sais tout le khair qu'il t'a fait, ça n'a rien à voir avec le mal qu'il t'a apporté, ton père. Ou peut-être les défauts qu'il a pu avoir. Est-ce que tu seras à l'aise envers lui? Oui ou non? Tu seras à l'aise avec lui? Tu veux dire, comment ça? Je vais côtoyer alors qu'il aime... Et comment toi, tu vas côtoyer des gens qui n'aiment pas les gens de bien, ahlul ilm et ahlul khair? Et ceux qui transmettent cette religion, et toi tu les côtoies et tu sais qu'ils ne les aiment pas, ou bien tu sais qu'ils les critiquent, et toi tu restes avec lui. Il y a un khalal, une déficience dans ton amour et le fait de détester en Allah Azza wa Jalla. Je donne des exemples concrets pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a des gens qui côtoient des gens, qui critiquent ou qui éloignent les gens des gens de bien. Les gens qui transmettent la religion. Ad-du'a. Ceux qui font le meilleur des travaux, Allah a fait leur éloge quand il a dit subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani min al-muslimin. Et qui profère une plus belle parole que celui qui appelle à Allah? Et toi, ces gens-là qui te transmettent la religion Eh ben, tu sais qu'il y a des gens qui les critiquent, ou qui, pas eux en tant que personne. Mais regardez ce que disent les ulama, et comme il dit Ibn Taymiyyah, celui qui critique et qui porte atteinte à une personne de science, en réalité, il ne porte pas atteinte à lui en tant que personne, mais il porte atteinte à la législation islamique. Pourquoi? Parce qu'il porte atteinte à ce qu'il possède et ce qu'il porte comme science religieuse. Donc il touche à la religion directement. Il touche pas à la personne en tant que personne. Parce que lui, il transmet quoi? Les paroles d'Allah et de son message. Donc il obstrue le sentier d'Allah, il touche à ça directement. C'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui le dit. Donc ces gens-là, toi tu dis, c'est pas grave. Ah, mon père, c'est grave. Al-ulama, ils disent, tu dois respecter les gens de science qui transmettent cette religion plus ou autant que tes parents. Pourquoi? Parce qu'ils t'apportent ce que tes propres parents ne peuvent pas t'apporter. C'est quoi? Al-ilmu shar'i. Et la meilleure des choses qu'il peut avoir, qu'il y a sur la surface de la terre, al-dunya mal'ouna, mal'ouna, mal'ouna, ma? Mal'ounun ma fiha. Illa dhikra Allah wa ma wala aw aliman wa muta'alliman aw aliman aw muta'alliman. Un savant ou un étudiant en science. La meilleure des choses, c'est la science. Al-ilmu shar'i. Donc ça, il faut faire attention. Il faut réviser ton amour et le fait de détester en Allah Jalla wa Ala. Et ici, ça ne veut pas dire ne pas le respecter. Par exemple, une personne qui déteste Allah, ou par exemple un non-musulman. Est-ce qu'il t'est demandé de l'aimer en Allah Azza wa Jalla? Alors si on part dans cette voie-là, est-ce qu'on est demandé et on a le droit d'aimer un non-musulman en Allah? Oui ou non? Vous hésitez ou quoi? On a le droit ou on n'a pas le droit? Un non-musulman, c'est interdit. C'est interdit, c'est le wala wal bara. Celui qui va dire non, moi j'aime les non-musulmans en Allah. Wal'iyadu billah. Ah, il a une grande déficience dans sa aqida et dans le wala wal bara et dans l'akhiré. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois pas agir en bien envers un non-musulman? Et tu ne veux pas le bien pour le non-musulman? Est-ce que ça veut dire ça? Abadan. Al-bir, c'est le bien. Détester en Allah, c'est autre chose. Aimer en Allah, c'est autre chose. Allah, il t'a pas interdit, il nous a pas défendu d'agir en bien avec les gens. Un juif, un chrétien, un bouddhiste, agit en bien avec eux. Mais même lui, tu vas lui poser la question, tu vas lui dire, pourquoi tu m'aimes pas moi comme un intime? Il va dire, bah voilà, chacun ses amis, chacun, on va respecter. Il y a des non-musulmans, ils nous détestent. Ça va des deux sens. Nous, on peut les détester, mais en Allah. Mais nous, on est plus équitable. Parce que même si on les déteste en Allah, c'est-à-dire, on les déteste au point de vue religieux. On les déteste parce que, ou concernant les choses qui font qu'ils sont détestés par Allah, parce qu'ils donnent des associés à Allah, parce que. Donc on est dans notre droit, mais avec ça, est-ce que on a le droit de leur vouloir du mal, de les agresser, d'être injuste envers eux, de les opprimer, de pas les aider s'ils ont besoin d'aide d'eux? Abadan, le contraire, al-aks. Tu dois agir en bien envers eux, tu dois les aider si tu peux les aider, tu dois leur sourire, tu dois faire tout le bien. Ça, c'est ce qu'on appelle al-bir. Faut pas confondre les choses. Ah, mais des gens, ils rentrent dans le wala ou le bara. Ah non, c'est un kafir, c'est un mécréant, je lui parle pas, si je peux même le tuer, je le tue. Oh, tu as vu ça, toi, Abdallah. Subhanallah, comme si c'était, on est en train de parler de je sais pas, moi, de d'une chose de dunya, là, un jeu. Tu rentres, je le tue. Le sang. La première des choses, qu'a fait sahih, dont les gens rendront des comptes au jour de la résurrection, c'est quoi? Concernant leur relation entre eux. C'est pas leur relation envers Allah. Entre eux, c'est quoi? Abdam, c'est le sang. Donc toi pour eux, ouais, j'ai lu de hadith, al-wala ou al-bara, mon frère, hein, on est des musulmans, al-jihad, et il sort, ouais, il faut tuer les mécréants. Mais, ça c'est des gens encore, subhanallah, ashab al-shubuhat, ashab al-ara, wal-ahwa. Tu vas où, ya Abdallah? Là, il y a l'ulama, les grandes questions, c'est pour les grands, c'est l'ulama, tu vas où, toi? Toi, agis en bien. Vous avez entendu, min kibar, l'ulama, hier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis une couche de rifq, de bienveillance, d'indulgence, de douceur. Par rapport à ces gens-là, agis en bien. Tu vois même un bouddhiste, même un juif dehors, là, tu sors. Tu vas aller faire quoi? Bonjour, ihtiram, le comportement, al-adab, agis en bien. Est-ce que ça veut dire que tu l'aimes pour sa religion? Non, sur ça, voilà. Lakum din, ou comment il a dit, vous avez votre religion, on a notre religion comme lui, il aime pas ta religion, et il aime pas ce que tu aimes, et ce que tu adores. Avec le plus grand des respects, mais ça doit aller dans les deux côtés. Wadih. Et c'est ça, al-wala wa al-bara. Aimer et détester en Allah. Mais le musulman, le croyant, qui ne sort pas de l'islam, cette même personne, tu peux l'aimer et le détester en Allah, comme il dit Cheikh Ibn Baz, wa ghayruhu min ahli al-ilm. C'est-à-dire, tu vas l'aimer pour les qualités qu'il a et qui sont aimées par Allah, et tu vas le détester en Allah pour les défauts qu'il a et qui sont détestés par Allah Azza wa Jalla, la même personne. Wadih? Et quand il a des choses détestées par Allah, si tu le côtoies, eh ben à ce moment-là tu l'exhortes. Si tu ne peux pas l'exhorter et qu'il y a un certain cautionnage de loin ou de près, eh ben tu l'évites. Mais bikul ihtiram, ça reste un musulman, tu lui passes le salam, tu agis normalement avec lui, et s'il te porte préjudice, tu t'éloignes de lui, pas dans le sens tu lui passes plus le salam, il a akhiré. Ça c'est des certains cas vraiment, c'est du cas par cas, et c'est pas toi qui vas dire, ah bah ouais, voilà, j'ai lu un hadith ou deux, c'est bon. Mais tu te comportes normalement avec lui, tu lui donnes ses hukuks. Wadih? Lakin pour les choses qu'il a de bien, tu demandes Allah pour ça. Et c'est ça l'équité en islam. Jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa'ala dit, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ. Que la haine que vous avez envers un peuple ne vous pousse pas à être inéquitable. Ça c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'être inéquitable même envers un ennemi. Ouais, ça avec un musulman, sois équitable. Reconnais le bien qu'il a, reconnais le mal qu'il a. Wadih? Reconnais les défauts qu'il a, reconnais les qualités qu'il a. Et ensuite agis ici par rapport au, à ses cas envers lui, par rapport aux différents cas et par rapport aux différentes qualités et défauts qu'il a. Wadih? Anwa'u al-bid'ah. Les types d'innovation maintenant. Ici, قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة dans son شرح ici de الأربعين النووية. يجي الضلالة تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة وبدع يعذر فيها صاحبها ولكن لا زالت ضلالة. Il dit Cheikh Al-Uthaymeen, ici l'égarement, donc il parle des innovations, se compose en plusieurs catégories. Il y a la bid'a mukaffira qui te fait tomber et sortir de l'islam. Il y a la bid'a mufassiqa qui fait de toi un pervers. Et il y a la bid'a dont la personne qui l'a fait, il est excusé même si ça touche à l'aqida. Ajib. Il y a les gens qui se précipitent mubtadi'. Il dit même si ça touche à l'aqida, il y a des bid'a, na'am, où la personne, elle est excusée. Ça veut dire quoi? On va le voir, incha'Allah ta'ala. Bien qu'elle reste un égarement. La bid'a en elle-même, elle reste un égarement. Mais il y a une différence entre eux. La bid'a et celui qui l'a fait. La bid'a et celui qui l'a fait. Clair? Et il dit, al-Sheikh al-Uthaymeen, c'est pas mes paroles, allez vérifier, hein. Et il dit, elle est pardonnée si elle vient d'une interprétation d'un mujtahid avec une bonne intention, et il donne l'exemple de al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani et al-Hafidh al-Nawawi. Et ici, et il y a d'autres exemples parmi les savants. Regardez, il dit al-Hafidh ibn Hajar et il donne l'exemple de l'imam al-Nawawi. Et il dit, l'imam al-Nawawi, et il le glorifie. Et il dit qu'il y a eu al-Qaboul concernant ses paroles. Et il dit, regardez, il n'y a pas une mosquée où vous rentrez, où il n'y a pas le livre, ici Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi. Et ici, les gens, ils acceptent et ils aiment l'imam al-Nawawi. Et les savants, ils prennent les paroles de l'imam al-Nawawi. Et il dit, par contre, bien qu'il le glorifie, ensuite il dit, أخطأ في التأويل. Il s'est trompé dans le ta'wil. C'est Cheikh Al-Uthaymeen qui le dit. Dans le ta'wil, c'est-à-dire, il a interprété. Là, on parle de l'aqida, les dogmes. Il a interprété. أخطأ في التأويل آيات الصفات. Dans les versets qui parlent des attributs d'Allah. Les noms et les attributs. Allah, il a des noms, il a des attributs. Allah, il aime, c'est un attribut d'Allah. Allah, il déteste, c'est un attribut d'Allah, Azza wa Jal. Allah, il a akhiri. Ça, c'est des attributs d'Allah. On doit y croire. Sans explication, min ghayr at-tahrif wala at-ta'wil wala at-tashbih ila akhirih. Sans explication, sans déformation, sans dépouillement, etc. Tu y crois, stop, tu t'arrêtes. Comment? Allahu a'lam. Comment Allah il aime? Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Mais ici, croire, tu dois y croire. Aller plus loin, personne n'a été plus loin parmi les salaf, tu t'arrêtes là. Et cherche pas à rentrer dans ces explications. Salaf, as-sahaba, jamais ils sont rentrés dans ces explications-là. Jamais ils ont dit Abu Bakr, donc Allah il aime. Ça veut dire, parce qu'ils n'avaient pas besoin, c'était clair pour eux. Et on a dit quoi tout à l'heure? La religion chez les salafs, hier, elle était claire. Mais plus les temps ont passé, retenez ça, et plus les commentaires et les paroles ont commencé et ont continué à s'allonger. Avant, salaf et sahaba à leur tête, ils disaient des petites paroles, des petites phrases, mais très lourdes en science. Et à leur tête, Muhammad alayhi salatu wassalam. Ici, il lui a été donné Jawami al-Kalim, le prophète alayhi salatu wassalam, comme on va le voir. Vous voyez des hadiths qui sont très concis, mais pourtant c'est des références et les savants en tirent des fawa'id, des profits. Mais tellement que c'était sincère, lourd en science, une bonne compréhension, il parlait peu et c'était énormément bénéfique. Et plus les années ont passé, et plus voilà, les paroles se sont allongées. Wadih. Et il dit ici, l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, il s'est trompé dans des versets concernant at-ta'wil, l'interprétation. L'imam an-Nawawi, il a fait ses erreurs dans l'aqida. Donc tu dis à une personne, l'imam an-Nawawi, il s'est trompé dans l'aqida. Dans l'aqida. Alors que si quelqu'un voit maintenant une personne qui va se tromper dans l'aqida, alors, mskin, je sais pas dans quelle machine à laver il va passer, mais Allah al-Musta'an. Là, c'est dans l'aqida. Et avec cela, est-ce qu'on rejette l'imam Nawawi? Est-ce que tu as entendu un savant qui va rejeter l'imam Nawawi? Et Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il dit, ce qui a apparu ces dernières années, c'est que des gens sont rentrés dans l'exagération et qui ont même dit qu'on doit délaisser certains livres comme Sahih al-Bukhari ou autres. Les livres de l'imam Nawawi, parce qu'ils sont revenus sur leurs erreurs. Et ils ont voulu grossir leurs erreurs, wal-iyadu billah. Et il dit, nous disons, قَوْلُهُ فِي التَّأْوِيلِ صِفَاتِ بِدْعَةِ فِتَّأْوِيلِ الصِّفَاتِ بِدْعَةِ. Sa parole, dans l'interprétation, l'imam al-Nawawi, dans l'interprétation des attributs d'Allah, c'est une bid'a. Il le dit clairement. C'est une bid'a, c'est une innovation. C'est une erreur. لَكِنْ هُوَ غَيْرُ مُبْتَدِعِ. Mais ce n'est pas un innovateur. Vous comprenez quand on dit, c'est pas parce que tu fais une innovation, même une innovation dans l'aqidah, que tu es un innovateur. L'imam Ahmad, il a dit, l'innovateur c'est qui? Celui, c'est habituel chez lui, la bid'a, et il ne fait pas partie de qui? De qui? Al-Mujtahid. Ah, là on comprend mieux. D'accord? Donc il y a des gens qui cherchent. Même si tu vois un savant qui fait une erreur, c'est pas dans l'aqidah, est-ce que tu as droit de dire que c'est un mubtadi'? Billahi alaykoum. Encore moins, regardez là, un mujtahid qui fait une erreur dans l'aqidah, tu n'as pas le droit de dire que c'est un mubtadi'. Alors que dire d'un savant et qui est reconnu pour sa science, et qui fait une erreur, et qui fait une innovation, qui fait une erreur, et qui n'est même pas dans l'aqidah, ou bien qui fait une erreur dans l'aqidah. Pourquoi tu te précipites à dire c'est un mubtadi'? Vous comprenez maintenant mieux dans lequel également sont beaucoup de jeunes, illa man rahim Allah. Et ici, il dit, et nous on reconnaît les noms et les attributs sans dépouillement, et il dit, Allah Jalla wa Ala a dit, a antum a'lamu amillah. Est-ce que vous êtes plus savant ou Allah? Et il rapporte toutes les preuves d'Allah Azza wa Jalla, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir la akhirin. Ou Allah Azza wa Jalla dit que c'est Allah Azza wa Jalla qui est plus savant. Allah, il a pas détaillé, tu détailles pas. Allah, il ressemble pas à ses créatures, arrête-toi là. Donc là on a une preuve pour dire ici al-kayf majhoul. Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Clair? Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'il a un pied ou pas? C'est relaté dans un hadith authentique? Na'am. L'enfer ne cessera de dire hal min mazid, y a-t-il encore, jusqu'à ce que quoi? Allah Azza wa Jal pose son pied et elle dira à l'enfer qat, ça suffit. Hadithun sahih, wadih. Ahlus sunnah wal jama'ah, ils disent quoi? On a une preuve qu'Allah a un pied. Comment ils sont pied? On ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a pas informé du comment. Et Allah a dit ici, antum a'lamu amillah. Êtes-vous plus savant ou c'est Allah? Et Allah a dit, laïsa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Il ne ressemble en rien à ces créatures. Donc, le comment, on le connaît pas. Pourquoi? Allah l'a pas détaillé. As-sahaba l'ont pas détaillé. Le prophète l'a pas détaillé. Est-ce qu'un pied, il est le même pied que les êtres humains parce que ça a le même nom? Non. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dit, il ne ressemble en rien à ces créatures. Et as-sahab al-ta'wil, ils disent quoi? Mais regardez, il donne un nom, d'accord? Allah, il s'est donné un nom, qui si eux, ils disent qu'il a un pied, eh ben, ça veut dire qu'ils l'ont fait ressembler, qu'il veuille ou non, à ces créatures. Alors que ça n'a rien à voir le fait d'avoir le même nom, dans la définition de ce nom-là. On est d'accord? Est-ce que, au paradis, il y a du lait? Il y aura du lait au paradis ou pas? Il y aura des rivières de lait? Il y aura du vin au paradis ou pas? Ça veut dire qu'au paradis, tu vas boire, tu vas être skran. Hein? Et tu vas ressentir ce que ressent celui qui va, hein, boire une bouteille de whisky tout seul. Ajib. Mais pourtant, est-ce que ça a le même nom? Ça a le même nom ou pas? Le vin. Au paradis, il y a du vin. Est-ce qu'au paradis, il y a des fruits? Fruits. Est-ce qu'il y a des noms de fruits qu'Allah, que le prophète a détaillé, qui sont au paradis, qui ont les mêmes noms de fruits qu'on a ici-bas? Oui. Est-ce que c'est les mêmes fruits? C'est pas les mêmes fruits. Clair? Et comme ont répondu les savants, ashabul bida', ils ont dit, bah, dans ces cas-là, quand tu prends un animal, et tu dis, par exemple, il a un nez, ou il a des pieds, ou il a des trucs, donc toi, pareil, tu vas dire, t'as un nez de chien, ou là, tu vas donner parce que ça a le même nom, et tu ressembles à l'animal, et, subhanallah. C'est pas parce qu'il va avoir des mêmes appellations, l'animal, concernant une description, sa description, ici physique, que toi, tu vas ressembler à l'animal. Subhanallah al-Azim. Ça, simplement pour rentrer dans leur degré. D'accord? Et pour travailler la raison pour leur faire comprendre. Bien que nous, on n'a pas besoin de ça. On suffit de dire qu'Allah, il a dit, laïsa ka mithlihi shay. Une personne est venue voir l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, vous connaissez le récit. Et concernant l'istiwa, il a dit à l'imam, Allah, jalla wa ala, il s'est établi sur son trône. Comment? Comment il s'est établi sur son trône? L'imam Malik, comment il a réagi? Il est devenu rouge, il a commencé à quoi? Il a commencé à suer. Regardez l'ulama, il se dit, dans quelle porte il est en train d'ouvrir? Ça, c'est les portes de fitan. Il y a l'ulama quand il voit qu'il y a des portes qui, tu sais que ça va être difficile à refermer. Il se mettait dans un état, Allah al-Musta'an. Parce qu'il sait, il voit, comme il dit Hudayfa radiyallahu anhu arda, al-ulama, il voit le fitan, les troubles, les choses mauvaises, les mauvaises conséquences, avant qu'elles n'arrivent. Al-juhal, il voit les mauvaises choses, les troubles, c'est quand? Quand elles sont là. Quand elles sont passées. Ah ouais, c'était pas bien. Al-alim, il a vu, il le sentait. Parce quoi ils ont cette firasa? Al-firasa, on avait dit, il y a deux types de firasa. Une qu'Allah Jalla wa'ala met dans ton cœur et qui te permet de différencier entre les gens du bien et de mal, al-haq wal-batil, l'akhir, et une qui vient par expérience. Eux, ils l'ont, cette firasa. Au moins, du moins, ils ont un des deux types en général, de firasa. Donc, ils savent, ils voient loin. Et d'autres, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils comprennent rien. Que, au bout d'un an, deux ans, ils disent, ah ouais, c'est vrai, j'aurais dû écouter. Trop tard. Dans tous les cas, derrière tout mal, il y a un bien. Pour celui qui a bien compris les choses. Ala kulli hal, ici, on disait quoi? L'imam Malik, rahimahullah, il a réagi comment? Il a dit, al-istiwa, il est connu. Allah, il s'est établi dans son trône. Regardez la question. Comment? Donc, il pose des questions qui n'ont pas lieu d'être posées. Il dit, oui. Allah, il s'est établi sur son trône. Al-kayfu majhoul. Comment? On ne sait pas. Il est inconnu. Est-ce qu'Allah t'a décrit comment il s'est? C'est simple, l'islam. Allah, le prophète, il t'a dit comment? Non. On s'arrête. On ne sait pas. Al-istiwa, l'établissement, Allah, il s'est établi sur son trône. C'est connu. Parce que ici, on a cette information. D'accord? Dans les textes authentiques, c'est bon. C'est connu. D'accord? Al-iman bihi wajib. La croyance en cela, elle est obligatoire. Et ici, as-su'al anhu bid'a. La question en cela est une, quoi? Innovation. C'est-à-dire, comment? Qui t'a dit comment? Qui t'a dit de rentrer dans cette porte, d'ouvrir cette porte? Comment? Et ici, l'imam Malik, il s'est mis en colère contre cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il a dit, il a ouvert une porte qui est très mauvaise. T'as pas à ouvrir ces portes-là. Wadih? Et le deuxième, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, lui aussi a commis, quelquefois, at-ta'wil, des interprétations sur les attributs d'Allah, jalla wa ala. Et le shaykh, il a dit dans une réponse. Écoutez bien, shaykh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Dans Kitab al-Ilm, le shaykh al-Uthaymin, page 151 et 152, la question 98. Il dit, Cheikh Al-Uthaymin, concernant l'erreur dans l'aqidah, dans la croyance, si l'erreur s'oppose à la voie des ancêtres pieux à Salaf, c'est un égarement sans aucun doute. Mais nous ne jugeons pas la personne d'égarer jusqu'à ce que la preuve lui soit établie. Jusqu'à ce que la preuve lui soit établie. C'est-à-dire que même s'il a fait une erreur dans l'aqidah, jusqu'à ce qu'on vienne lui rappeler toutes les preuves. Clair? Et Ibn Taymiyyah, il rajoute une condition. Regardez l'ulama. Pourquoi il se précipitait l'ulama dire à la mubtadi'? Regardez l'ulama al-kibar. Il disait, il faut qu'il y ait iqamat al-hujja alay, awalan. Et il faut la deuxième chose que quoi? Qu'il ait compris iqamat al-hujja, les preuves que tu lui as apportées. C'est pas simplement tu lui dis voilà les preuves. Il faut que tu patientes avec lui et qu'il ait compris. Là, à ce moment-là, quand il a compris tes preuves et il n'est pas d'accord, là c'est autre chose. Wadih? Et il dit, lorsque la preuve lui est établie, et il persiste, regardez, al-ulama, et il persiste dans son erreur ou son égarement, il devient innovateur dans ce qu'il a contredit à la vérité. Regardez l'ulama, et allez reprendre les références. Et ici, il dit, ici, dégarer, et il persiste dans son erreur ou son égarement, il devient innovateur dans ce qu'il a contredit à la vérité. Et il est sur la voie des pieux prédécesseurs dans le reste. Dans le reste, il reste sur la voie des salafs. Ça veut pas dire ça, il a rien à voir avec le minhaj des salafs, non. Et il dit, rahimahullah ta'ala, on ne le décrit pas comme innovateur de façon absolue. et ni sur la voie des pieux prédécesseurs de façon absolue. Mais par contre, on le qualifie de la voie sur la voie des pieux prédécesseurs dans ce qu'il a de conforme aux pieux prédécesseurs et innovateur dans ce qu'il a contredit, comme on dit Ahl Sunna à propos du fasir. C'est-à-dire, il est croyant dans ce qu'il a comme foi et il est fasir dans ce qu'il a comme désobéissance. On ne lui donne pas une description absolue de fasir et on ne lui retire pas la description dans l'absolu. Et ceci est la justice d'Allah et Allah nous a ordonné cela. Sauf si l'innovateur arrive à la limite qui le fait sortir de l'islam. Fin de citation. Et regardez ce qui se précipite ici. Il se précipite innovateur, mubtadi', dans le tafsir, dans le tabdi'. Et ici il dit on ne le sort pas de l'islam. D'accord ? Et on sort de l'islam la personne qui a fait une chose claire qui le fait sortir de l'islam. Al-bid'a al-mukaffira, ici, on ne le sort pas de l'islam tant qu'il n'y a pas eu l'établissement de la preuve, et tant qu'on ne lui a pas apporté les preuves, et que tant qu'il n'a pas compris, ici, ces preuves-là. Clair ? Ibn Taymiyyah, il a dit, il faut iqamat al-hujja et fahm al-hujja. Ibn Taymiyyah, il dit, il faut iqamat al-hujja et fahm al-hujja. L'établissement de la preuve, et qu'il ait compris ici les preuves. Clair? Al-Bukhari dans le tafsir, dans son tafsir, Bukhari il a fait un tafsir, il a expliqué certains versets coraniques et il a interprété al-wajh, la face, le visage d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on a le droit d'interpréter en disant la face d'Allah ça veut dire sa royauté? On a droit ou pas? On n'a pas le droit. Donc Allah il dit il a al-wajh. C'est quoi al-sunnati wal-jama'a? Ithbat as-sifat. Donc ici on affirme, on confirme et on croit que Allah il a al-wajh, il a une face. Allah Azza wa Jalla il a tout ce qui a été décrit dans le Coran et la Sunna. La croyance en cela obligatoire. Le comment Allahu a'lam. Il ne ressemble en rien à ses créatures. C'est clair ou pas? C'est clair là, cette voie elle est claire? Elle est claire. Claire? Donc ici al-Bukhari il s'est trompé. Il a fait une bid'a dans l'aqida. Donc ici, est-ce qu'on est en train de dire que tu as droit d'avoir des divergences, ouvrir la porte dans la divergence dans l'aqida? Non, mais là on est rentré dans les détails. Est-ce qu'on va dire que l'imam al-Bukhari c'est un mubtadi', donc ça veut dire n'écoute plus al-Bukhari et met de côté le meilleur des livres ba'd al-Qur'an al-Karim, c'est quoi? Sahih al-Bukhari. Mais l'autre côté, il n'écoute plus al-Bukhari alors. Vous voyez un peu les gens qui se précipitent et il s'est trompé dans l'aqida et avec cela on n'oublie pas que al-Bukhari fait partie de akbar al-ulama, fait partie des plus grands des savants. Clair? Et ici, il y a une mise en garde claire de beaucoup de savants contre le fait de se précipiter d'en toucher à l'honneur de ces grands savants et des gens de science et des gens qui apportent le plus grand des biens. Qala Allah wa qala ar-rasul bi fami salaf al-umma. Attention. Si t'as du temps à perdre, va jouer au foot. Si tu veux faire quelque chose de bien, même pour ta vie d'ici, va ouvrir un commerce. Si tu veux jouer, comme j'ai dit, va jouer, va, il y a beaucoup de jeux. Même qui sont pas haram. Mais joue pas avec l'ulama et l'honneur de l'ulama et les gens de bien. Ajib, les gens, ils se précipitent. Déjà, le fait de faire le riba ou le namima, c'est une chose qui est blâmable, clairement. Et ici, alors imagine-toi de porter préjudice sur les gens de science. Sans science, alors que toi, est-ce que tu vas être interrogé dans ta tombe sur Foulan ibn Foulan ou sur toi? Et tu te préoccupes, regardez l'égarement, tu vas arriver à un stade où tu vas te tashtaghil bi uyub al-akharin wa tansa, ici quoi? Tes propres défauts. Tu vas te préoccuper que des défauts. Ah celui-là, comme je l'ai dit une fois, il y a une sœur qui a appelé notre sœur qu'elle connaissait et elle venait de se marier. Elle venait juste de se marier. Elle était mashallah dans le minhaj, etc. Al-wasatiyya. C'est ça notre minhaj. Ahl sunnati wal jama'a, c'est l'wasatiyya. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Et c'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté de juste milieu. Dans le juste milieu. Et la sœur, elle était mashallah, elle l'a appelée. Salam, salam, elle venait de se marier avec une personne qui fait partie de la crème de ces gens-là. Deux jours, mubtadi'. Déjà, pour arriver à ce stade, de corriger celui qui est au-dessus de toi, moi c'est illogique, ça rentre pas dans ma tête ça déjà. Ça, il peut y avoir des exceptions, oui, que quelquefois tu... Mais corriger dans l'ilm quelqu'un qui a beaucoup plus de science que toi, ça c'est pas la règle générale. Déjà, pour parler de ça, il faut que tu aies un degré de science au-dessus de lui. Lui, tu vois, c'est un petit. Il parle de montagne de science. Il y en a qui ont dit, vous connaissez les paroles, hein? Ibn Jibrin, ils ont dit que c'était un mubtadi', c'est un hizbi. Kibar al-ulama, Cheikh Abdallah al-Mutlaq, avec qui on a eu hier, ils disent que c'est un hizbi. Je lui dis, Il fait partie de Kibar al-Ulama. Il est à côté des grands savants qui, eux, quand ils voient Munkar, ils l'arrêtent. Toi, le petit qui est dans ta ville et qui parle de Hijra tous les jours et t'es en train de manger des kebabs et je vais ici tous les jours, ça fait des années que tu me parles de, comme je l'ai dit hier, Baba, et dis-moi c'est bon, moi je suis plus savant. Ana a'lamu min ha'oula, wa min al-kibar, walakin ana a'lamu minhum. Va le dire. Khlas. Bikulli saraha. Et montre al-Munkar et Abdallah. Non, mais ils disent que c'est des, Allah, ça c'est des choses agiles. T'es qui toi pour parler de eux? Reste à ta place. Chacun reste à sa place. Toi, occupe-toi de toi, de ton nefs, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de t'as beaucoup à faire. Et profite où tu peux profiter. Fawarabbil Ka'ba, tu entends quelqu'un qui parle de la religion, Allah il a dit rappelle les prophètes pour les croyants. Pourquoi khutbatul Jumu'a, c'est obligatoire. Parce que le prophète alayhi salam, Allah azza wa jalla a dit que dès que tu vas voir un khatib, c'est un alim. Hein? Mais pourtant c'est obligatoire. Donc est-ce que ici s'il y avait un mal, vous croyez que Allah aurait ouvert cette porte de ici obliger les musulmans à participer, à écouter dans toutes les mosquées une khutbah de Jumu'ah une fois par semaine. Alors qu'Allah, il savait que tous les khatibs, c'est pas des savants. Mais parce qu'il sait que les musulmans et les croyants ont besoin de rappel. Où tu peux prendre un rappel, prends-le. Et même moi, que les savants, ils le disent, moi qui est un petit, si tu vois du bien en moi, si tu ne m'écoutes pas, comme je dis, ce sera un hujja en moi, tant mieux. Moi, je vous dis tout de suite, wallah, bikul li saraha. Mais si tu peux profiter, prends. Comme moi, si je peux profiter de quelqu'un, je prends. Quand tu vois une erreur claire, wadih, tu veux en discuter, pas de problème. Si tu n'as pas le niveau pour discuter et t'es pas sûr, mets-la de côté. Mais bikul li ihtiram, et continue à prendre ce que tu peux prendre de bien, et Abdallah. Amma, tu vois une erreur de moi qui contredit le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, bifami salafi l'umma, prends-la. Akramakumullah, jette-la dans la poubelle. C'est tout, khlas, intahal kalam. Mais continue à prendre et à profiter où tu peux profiter. Et attention de toucher à l'honneur des gens de bien. Ibn Asakir disait, luhum al-ulama, la viande des savants, elle est quoi? Masmouma, elle est empoisonnée. Et Allah Jalla wa'ala dit dans le Coran al-Karim quand il parle de l'riba wa al-namima, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu, wattaqullah. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger de la chair de son frère mort? Hein? Vous détesterez cette chose-là. Parce que le fait de parler sur ton frère, c'est comme si tu mangeais sa chair. Et Ibn Asakir, il dit par contre, la chair des savants, c'est autre chose. Hein? Elle est empoisonnée. C'est comme si tu mangeais de la chair, de la viande de ton frère, mais empoisonnée. Pour montrer, c'est encore plus grave. Parce que ceux-là, ils sont encadrés par la parole d'Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَةِ qui profère une meilleure parole que celui qui appelle à Allah et qui accomplit les œuvres salutaires. Il a suivi le chemin et la voie de qui? Et le travail de qui? Al-Anbiya et Wal-Rusul. Et le prophète A.S. il a dit dans Tirmidhi et Abu Daoud et d'autres, celui qui suit les défauts de son frère musulman, Allah suivra les siens. Et celui dont Allah suit ses défauts, il lui dévoilera au grand jour même ce qu'il a commis seul dans sa demeure. Tu veux scandaliser tes frères? Accroche-toi, Allah il va te scandaliser un jour ou un autre. Ça c'est obligatoire bi-idhnillah azza wa jal. Parole du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Clair? Et donc ici, il faut faire très attention à cela et qu'Allah nous préserve de cet égarement. Et bi idhnillah azza wa jal, pour continuer à rentrer dans les détails inshallah ta'ala, on va faire une petite pause d'abord et on se retrouve, il est 4h40 et on se retrouve inshallah ta'ala ici d'ici une demi-heure. Ceux qui veulent prendre le café maintenant, c'est mieux inshallah ta'ala. Ici il y a que qahwa ici, mashallah. Et si ceux qui veulent prendre le café, ils montent en haut. Il y a tout à disponibilité bi-ibnillah. Et ensuite on se revoit pour une intervention encore de 3 quarts d'heure jusqu'à l'asr. Et comme ça après l'asr bi-ibnillah azza wa jal, on laissera une pause pour aller, ceux qui veulent aller manger inshallah ta'ala, comme ça on peut reprendre par la suite. Et inshallah ta'ala, toute personne qui a des questions particulièrement sur le minhaj, sur la voie, vous les écrivez et vous nous les envoyez au fur et à mesure. Et bi-ibnillah je laisserai un moment, soit tout à l'heure ou soit demain entre le maghrib et l'isha, pour clôturer ici ou demain après l'asr pour clôturer inshallah ta'ala, et on répondra aux questions selon nos capacités. Donc on va continuer avec le deuxième texte et l'explication du deuxième texte d'ici une demi-heure inshallah. Barakallahu fina wa fikum. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته